Nous sommes le lundi 15 novembre, je suis Lia et je suis en direct avec toi dans l'odeur du son. Cette émission que tu commences peut-être à connaître maintenant. J'espère que tu es en pleine forme, détendu et heureux. Voilà, j'avais envie de lancer une note positive pour ce début de semaine car on en a bien besoin. Et j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui, bientôt en compagnie de Dom de la gastronomie à Dom, notre chef préféré mais qui n'est pas encore là. Et surtout qui n'est pas venu seul car mon deuxième invité est bien arrivé, heureusement pour moi. Thibaut de la brasserie La Fouillotte est également avec nous. Alors La Fouillotte, je cite, hein, c'est une microbrasserie vosgienne créée en 2016 et qui est devenue en peu de temps incontournable auprès des amateurs de bonne mousse et des consommateurs qui privilégient les produits locaux de qualité. Bonjour Thibaut, comment ça va? Bonjour, super bien. Vraiment super bien. Bon, super, tu as bien trouvé la route? Impeccable, ouais, heureusement que j'habite pas très loin, puis c'est pas la première fois que je viens. Oui, donc, c'est ce que j'allais te demander. Tu étais déjà venu il y a quelques années, c'est ça? Exactement, quand on avait commencé l'activité de la brasserie. Et puis pour moi, Radio Gemozo, la ferme de La Fouillotte qui a donné le nom à la brasserie vient de Rupt-sur-Moselle. Je crois que Gemozo vient de là aussi. Et il paraît qu'on a une histoire en commun, c'est exactement. Vrai. C'est chouette ça, de réunir ces deux entités en même temps. Ouais, carrément. Super. Donc c'est bien, je suis contente, tu as retenu le bonjour et la bonne heure, je te félicite donc. Alors, on s'est rencontrés quand même en avant-première samedi soir lors de l'inauguration du bar de La Fouillotte. Très belle fête, comment ça s'est passé? Eh ben super, pas mal d'appréhension parce que c'était vraiment la première fois où autant de monde voyait le nouveau lieu que j'ai retapé avec mes collègues aussi dans notre nouveau locaux à Épinal. On a fait vraiment une partie qui accepte le public, qui permet de faire aussi la vente magasin bouteille, mais également des événements. Donc là, c'était vraiment, on va dire, le plus gros qui a permis d'ouvrir le bal, quoi. Oui. Il y avait déjà eu une fête comme ça avant pour l'inauguration des nouveaux locaux, il me semble. On avait fait, effectivement, il y a 2 ans, avant le Covid, l'inauguration de l'achat, en fait, des locaux qui sont une ancienne usine textile, donc vraiment qui est en lien avec le patrimoine vosgien, assez cher, quoi, pour ça. Et du coup, voilà. Donc là, on avait fait une petite inauguration début du mois d'octobre, on va dire, sur l'ouverture du magasin, c'était en journée. C'était beaucoup plus chill. Et là, voilà, c'était un peu l'inauguration de la partie nocturne. Incroyable, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était super de prendre un bain de foule comme ça. Ça nous fait tellement de bien de pouvoir le faire quand on peut. C'était vraiment chouette. Alors, vous êtes installé depuis quelques années, tu l'as un petit peu dit, dans les anciennes usines Bragard d'Épinal. Depuis quand vous êtes là? Eh ben, voilà, c'était, ça va faire 2 ans. Ouais. 2 ans, donc ça fait 3 ans que, il y a 3 ans, il fallait qu'on trouve plus gros. On était, on était locataire dans un entrepôt qu'on avait vite fait aménager pour les débuts de l'activité. Et voilà, on voulait plus gros. On a la chance d'être plusieurs. On est 5 associés, donc on a une force qui est très appréciable, surtout pour se lancer dans des projets de plus grande envergure. Et il nous fallait, voilà, on voulait acheter, on voulait construire quelque chose de pérenne, voilà. Donc soit on avait la volonté de construire dans un terrain, soit de retaper une ancienne usine, et puis voilà, c'est le choix qu'on a fait, qui mixe un peu plein de choses, mais voilà, une partie éthique, une partie aussi, ça a quand même plus de classe, je trouve, d'être dans une ancienne usine textile, et puis voilà, donc c'est une aventure. Avant, vous étiez déjà à Épinal? Exactement, on a fait le choix d'Épinal. Donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est la Fouillotte, ça vient de Rupt-sur-Moselle. C'est une vieille ferme qui est dans ma famille. Et c'est là où est né mon projet, en fait, déjà dans ma tête. Il y a quelques années, quand j'avais fait une pause dans mes études, d'ailleurs, j'écoutais Radio Gémozo. Mais c'est très bien. C'était très drôle. Et donc voilà, donc... Une chose de plus pourquoi je suis content d'être là. Ouais. Et donc voilà, moi je suis voilà originaire quand même d'Épinal, donc il y avait pas de brasserie à Épinal, je trouvais ça avait du sens de monter une brasserie qui serait aussi partenaire de la vie publique d'une ville. Là on commence déjà à tisser pas mal de partenariats aussi avec les associations sportives, etc., des associations culturelles. Donc voilà, l'idée de la brasserie, c'est aussi de pouvoir créer des liens, créer un réseau autour de la bière. La bière, c'est un prétexte. Comme on l'a vu samedi soir, l'idée, c'est de faire un concert en premier. Et pour le concert, bon, la bière, c'est sympa, donc il fallait la faire. Bah oui, carrément. Mais t'as pas eu un petit pincement quand t'as laissé la ferme à rue pour venir Non, parce que bon, c'était vraiment c'était une ferme qui est chère pour moi. Dans ma famille, et puis là ben, l'idée c'était voilà de créer une entreprise. Il y avait plusieurs personnes et il fallait aussi trouver peut-être un lieu qui soit neutre vis-à-vis de tout le monde. Je leur ai même posé la question si on devait garder le nom, parce que finalement j'avais commencé à brasser dans cette ferme et naturellement c'était autour de mes proches la bière de la Fouillotte. En fait, le nom est venu de lui-même. On n'a pas inventé ce mot et donc du coup, j'avais posé la question à mes collègues en disant voilà, est-ce qu'on garde ce nom, est-ce qu'on change pas quelque chose de plus neutre, etc. Puis ils ont voulu garder cette histoire. Donc on a gardé le nom, mais on n'a pas pu garder la ferme pour d'autres questions. Et oui. Et là, là avec ma famille, je pense qu'on va peut-être même s'installer là-bas. Génial. De façon privée, donc voilà, une nouvelle aventure aussi. Ah bah dis donc, que d'aventures dans la vie de Thibaut. Exactement. Donc t'as un petit peu devancé ma prochaine question. D'où vient ce nom? Pourquoi la Fouillotte? Explique-nous plus en détail. Et ben voilà, donc moi j'ai fait des études longues, j'ai fait une thèse en chimie. Un étudiant qui part pour des études longues, à un moment il veut prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça, parce que bon, moi ça fait très longtemps que je voulais faire une thèse, j'adore cette idée de recherche, de création. Donc j'ai eu la chance dans mon cursus de pouvoir refaire un deuxième stage en master, et donc j'avais 6 mois à moi que je me suis octroyé dans cette ferme, donc coupé un peu du monde. Alors du monde, on va dire que j'étais jamais seul non plus, hein, parce que c'était aussi ça a toujours été un lieu de rencontre, de retrouvailles, de fêtes. Donc voilà, c'était 6 mois, mais qui m'ont permis de me poser des questions sur moi-même et d'imaginer des plans B. Après, qu'est-ce que je voulais vraiment faire, à quoi ma vie pouvait servir. Donc voilà, j'ai imaginé différents scénarios après thèse qui était autre que la recherche, et donc là est née l'idée de faire de la bière avec d'autres projets, et puis pendant ma thèse, j'ai transformé un plan B en plan A. On va en parler tout au long de cette émission, mais je vois que tu es vraiment toujours rempli d'idées, hein. Ça doit vraiment correspondre à ta personnalité, tu as toujours mille et une idées en tête. Ouais. Après, ça peut poser problème des fois à mon entourage. Tu mais t'éparpilles. Ouais, j'essaye pas trop. J'essaye quand même d'aller au bout des idées. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose quand même un point d'honneur que j'aime me dire, c'est que j'avais l'idée de faire une thèse. Je suis allé jusqu'au bout. Je le regrette pas. C'était une super aventure, un super chemin. Et donc voilà, là j'avais l'idée de la brasserie. C'est fait. On a l'idée du bar et ça va être fait, etc. Mais effectivement, il y a toujours plein d'idées. Et après, c'est peut-être ma nature de scientifique de toujours douter. Est-ce que vraiment c'est toujours la bonne façon de faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire, etc. Donc c'est vrai que je remets toujours en doute les choses. Mais ça va. J'ai trouvé une équipe où avec moi des gens se posent moins cette question, et ça me permet d'avoir quelque chose de plus rationnel et de plus sûr. Oui, c'est sûr. Et puis c'est bien d'être entouré aussi, d'avoir d'autres avis, peut-être plus objectifs, peut-être avec une autre vision des choses. Ça peut être rassurant ou carrément le moment où on se dit « Ok, là j'ai un petit peu déconné, on se reprend en main. » quoi. Exactement, ça permet un peu de moyenner les idées. Voilà, c'est ça. Ça permet de, si quelqu'un sort à peu près une idée folle, il y aura un temps de digestion. Peut-être qu'elle va fonctionner, mais au moins il y a un groupe qui permet de temporiser, d'avoir le temps de rationaliser un peu les choses, ce qui peut être aussi une contrepartie où c'est plus difficile de prendre des décisions rapides. Oui. Donc il faut il faut anticiper un peu plus. Donc mais toi qui aimes bien réfléchir, du coup la décision rapide, c'est peut-être pas trop ton truc. Non, mais il faut savoir la prendre quand même. Il faut savoir trancher, il faut savoir faire des choix. Oui. Mais je pense aussi c'est la on va dire le collectif. Je pense qu'il faut aussi assumer et ne pas avoir de regrets vis-à-vis d'un choix du collectif qui ne sera aucun des choix individuels. Ce sera je pense que là on est 5 à la brasserie et on a 2 salariés et qui ont aussi une part importante dans les décisions. Je pense qu'il faut accepter le fait que la décision ne corresponde à aucun. Mais en même temps, elle ne met personne de côté. Mmh. Voilà. Oui, c'est une vraie volonté d'égalité entre vous et de prise de décision partagée, etc. C'est ça, dans la mesure du possible. C'est ça l'idée, c'est que tout le monde est indépendant déjà. On a tous hiérarchiquement, on a vraiment exactement le même statut, ce qui permet vraiment en tout cas au niveau des gérants, ce qui permet de pas se sentir. On n'a pas de. Il y a seuls les arguments et la bonne foi qui va permettre de ressortir une idée et après voilà. Si seulement ça pouvait être comme ça partout, ça serait merveilleux. Je dis pas que tout se passe tout le temps très bien, non, mais c'est l'humain, ça, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, c'est ça notre façon de travailler à l'heure actuelle. Super. Eh bien, on va en parler tout au long de cette émission, de ce sujet incroyable. Je suis ravie que tu sois là avec nous, en tout cas, pour nous parler de cette épopée, de cette success story qui est la Fouillotte. Pour l'instant, là, tout de suite, j'ai envie de jouer mon premier disque chouchou, mon petit disque, chopé ce week-end. Il s'agit de Low Rider de War. Et on se retrouve juste après. On est toujours sur Radio Guémozou, on passe un bon moment ensemble. J'espère que toi aussi, auditeur, eh ben voilà, tu passes un bon moment, que tu es au top aujourd'hui. Et eh bien notre chef préféré est bien arrivé. Coucou Dom, comment ça va? Bonjour, bonjour à tous. Bon bah je suis désolé, aujourd'hui je ferai pas à manger. Oh, il y aura peut-être on t'aime un petit quand peu même. Moins d'odeur dans le son. Mais ça. Ce sera que partie remise. Et puis en fait, ce week-end, j'ai pas eu le temps de créer une recette adaptée à notre invité du jour. Ah, on peut pas être partout. J'ai pas mal de choses à faire, voilà. Je déménage et tout, c'est un peu ah compliqué. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je peux pas faire à manger aujourd'hui. D'accord. En plus, bah voilà, Dom, toi, t'étais là samedi soir pour l'inauguration du bar de la Fouillotte dont on parle eh bien aujourd'hui. Donc voilà, tu peux pas tout faire, quoi. On ne peut pas être partout, effectivement. Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Le week-end s'est bien passé. Ça va. Le matin, j'étais avec Michael Coucheron. Ah oui, donc, à Thiéfosse. Donc, à Fermoz Hirondelle, comme tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Oui. Donc, du coup, c'était un gros week-end assez compliqué, mais ça va, ça s'est bien passé. Bah, c'est cool. Bah, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je pense que vous aussi, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Incroyable. Donc, je pense que tout le monde a passé une bonne soirée. Ah oui, on s'est très très bien amusé, ça c'est vrai. Ça a fait beaucoup de bien. Tu es arrivé pile au bon moment, hein, pile pour cette question incroyable qui revient tous les 15 jours, et c'est maintenant que je la pose. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Si vous êtes rencontrés avant... C'est Marilyn. Parce que Marilyn, en fait, elle était au bar à rue. Oui. Il y a déjà un bout de temps de ça. D'accord. Et puis, elle m'a contacté suite à ce que je fais les lundis à rue, vu que les lundis soirs, je suis à rue. OK. Tout le temps. Et elle avait vu un petit peu ce que je fais. Et puis, ils avaient envoyé un petit peu un genre d'appel d'offres ou quelque chose comme ça pour des food trucks, pour venir faire à manger. Donc à la brasserie, plutôt au bar. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, je suis venu un jour, on a discuté un petit peu sans pouvoir comment mettre en place les choses. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc il y a peu de temps. Oui. Et puis j'ai découvert qu'on a des amis en commun. C'est assez marrant. c'est assez marrant. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Oui. Moi, ça m'étonne pas trop, quoi, parce qu'avec toutes les personnes que tu connais. Voilà, t'as forcément des amis en commun avec quelqu'un, forcément, à un moment donné. Ouais, le monde est petit, oui, c'est ça, le monde est petit. Le monde est petit dans les Vosges, ouais. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Ghislain ce matin. Ah, super. Voilà. Ah oui, tu m'avais dit. La maison familiale, voilà. Exact. Et puis, il y a quelque chose qui est marrant. C'est que Radio Guémozou, ça vient un peu du même endroit que la brasserie. Je sais pas, vous en avez parlé déjà. On a parlé un petit peu. Ouais, j'en ai glissé un mot, ouais. Ouais, ouais. Voilà, il y a un festival aussi qui est actuel et qui est un peu en lien avec la brasserie. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens aussi qui gravitent autour et on connaît forcément un ou deux personnes. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je vais pas dire, mais je trouve que tu connais beaucoup de personnes qui travaillent dans la bière. Oui, ou dans l'événementiel. Ça, c'est le côté culinaire. Voilà, on va dire ça. C'est ça, voilà. Allez, Thibaut, j'aimerais revenir avec toi encore un petit peu sur l'origine de la Fouillotte. Il me semble que, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est toi qui as été frappé par la grâce de la bière après t'être vu offrir un kit pour débutants. Ah. L'illumination a eu lieu à ce moment-là, c'est ça? Eh bien oui, comme je disais, avant que je me retrouve isolé dans cette ferme, j'ai fait mon master à Strasbourg et bon bah voilà, l'Alsace aussi beaucoup de bière. Je rencontrais déjà aussi des gens qui se lançaient là-dedans et puis mon père pour un anniversaire. Enfin, c'est tellement un cliché, tellement de brasseurs amateurs ont commencé comme ça et puis après sont devenus professionnels par quelqu'un qui leur offre un kit pour faire de la bière. Donc moi j'ai commencé dans un 20 mètres carrés où je dormais avec un pote à deux. On était à deux dans un 20 mètres carrés et on faisait de la bière. C'était marrant. Donc on a commencé comme ça et puis c'est là où effectivement je me suis dit le monde de la bière est accessible. Oui. Moi je partais quand même sur des études longues. Je suis fini avec mon doctorat et je pense que je serais pas reparti sur un domaine qui me redemandait encore 2 ans d'études etc. Oui. Et le milieu de la brasserie c'est super parce que c'est super. Avoir des avantages et des inconvénients, mais en tout cas il n'y a pas besoin d'études pour accéder en fait au statut de brasseur. On peut commencer sa microbrasserie et on peut commencer avec des petites casseroles, des moyennes, des grosses, des énormes. Donc vraiment voilà, c'est pour ça que je pense aussi que c'est un domaine où il y a beaucoup de reconversion, parce que c'est aussi une reconversion accessible. Ok. À différents budgets. Donc voilà. Tu es ensuite parti prôner la bonne parole et tu as réconverti deux de tes amis. Ouais. Je précise que toute connotation religieuse dans cette émission ne serait que pur hasard. Comment cette grande aventure entre vous trois a commencé? Enfin, ils ont tout de suite été d'accord? Tu leur as parlé du projet? Ils se sont dit ok? Non. Ouais, alors donc c'est quelque chose. En général, je parle souvent de ce que j'ai dans la tête aux gens qui sont autour de moi, donc c'est pas non plus quelque chose qui ressortait. Enfin voilà, qu'ils ont pas été surpris, mais ouais, pendant un moment, je me posais la question si vraiment je me lançais là-dedans, etc. Puis j'avais fait un choix, mais par contre, c'est vrai que j'ai horreur de faire les choses seul. Oui. Je fais rien seul, à part imaginer des projets à plusieurs. Et donc je crois que c'est le même week-end, j'ai demandé un de mes collègues de thèse, Florian, et puis un ami qui gravitait autour de moi, Boris. Voilà. Et je pense qu'ils cherchaient aussi un projet. Et ils ont été conquis par l'idée, et je pense qu'à partir de là, voilà, on a construit à trois vraiment l'entreprise. Le projet, effectivement, il vient de moi, mais l'entreprise, on l'a construit à trois. Oui, aujourd'hui, vous êtes cinq, hein, avec toi, il y a Mickaël, Boris, Florian et Guillaume. Le déclic, le moment où, allez, ça y est, on se lance, c'était quand? En tout cas, moi, je sais, enfin, je pense que c'est ce moment-là, c'est-à-dire que, il fallait que j'achète un peu de matériel pour commencer vraiment à brasser, pour vraiment faire des recettes, etc. Donc j'avais il fallait que je fasse un investissement à ce moment-là. C'est quand j'ai fait cet investissement de départ où je me suis dit, je vais faire ça après ma thèse. D'accord. T'avais quel âge à l'époque? Moi, j'avais, c'est une bonne question, peut-être 26. D'accord. Ça c'est ouais. Ouais, là-dedans, ouais. 26, 27. J'ai passé ma thèse à 28 ans, ouais. Donc 26, ouais. Ok. Ok. Est-ce que tu te rappelles de ton premier brassin? Ouais. Est-ce qu'il était bon? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ouais, si, je m'en souviens très très bien. J'avais reçu le matériel, je l'avais directement... en fait, j'ai toujours brassé, j'ai commencé à brasser directement à la ferme de la Fouillotte. Hein. J'ai pas brassé ailleurs avec mon matos. Hein, d'accord. Je vivais sur Nancy et puis ma copine était à Miremont. Mais du coup, je montais à la brasserie le week-end et puis je brassais. On passait le week-end là-haut et puis je brassais. Il y avait des génial. Amis. Génial. Ah, l'idée, c'était simple. Hein, c'était, je faisais 20 litres de bière. Quand elle était prête, j'invitais des amis, on la goûtait et puis voilà. Super. Puis j'en faisais une autre. Et quel matériel tu utilisais à l'époque? C'était une petite... En fait, c'est exactement le même modèle que j'ai à l'heure actuelle en 500 litres, mais en 20 litres. D'accord. Voilà. Okay. Donc, maintenant j'en ai deux de 500, ce qui me fait 1000, mais ouais, je commençais avec 20 litres. Et donc voilà. Ok. Donc c'est en constatant le succès et les premiers bénéfices faits au Xerpil Festival, c'est ça? Ouais, Xerpil nous a devancé sur l'ouverture de la brasserie Épinal, effectivement. Ok. Une semaine. Que vous avez décidé d'acheter un matériel? Ah non, vraiment on était parti déjà. C'est-à-dire okay. que. Non, on n'a pas fait ça. En fait, je brassais en 20 litres. Moi, j'avais fait mon investissement, on va dire, personnel là-dessus. Et après, on a directement commencé à construire l'identité de l'entreprise, ce qu'on voulait, où on allait. Et on a fait les travaux l'été 2016. Et puis, il y avait le Xerpils. On avait dit qu'on serait au Xerpils, on n'avait pas encore installé notre matériel. Donc voilà, un peu les débuts de la pression de l'entreprise qui commençait déjà avec des deadlines, etc. Oui, oui. Et on a relevé le défi tout juste. On avait embouteillé les premières bouteilles deux jours avant Xerpils. On avait que trois bières. Peut-être même que deux. Si, je crois qu'on en avait trois. Et puis la semaine d'après, on faisait notre inauguration dans notre incroyable. Groupe. Est-ce que tu pensais à un tel succès à la base? Je sais pas. Après, j'ai pas d'ambition particulière, à part que ça me fasse vivre et que je prenne du plaisir à le faire. Je pense que c'est ça la seule motivation. Succès après. C'est difficile à se juger soi-même, je pense. On a toujours des attentes qui sont... je pense que c'est cool. Oui, effectivement, ça plaît. On a, en tout cas, on a toujours des projets. Et on va dire qu'on n'a pas d'échec qui nous permet de ne plus imaginer la suite. Donc ça, c'est super. Non, je pense que, par exemple, enfin, succès, c'est un peu dur à dire. Moi, j'aime bien, par exemple, samedi soir, les gens étaient contents. Voilà, c'était un succès. Oui. Mais la soirée n'est pas un succès, je trouve, c'est l'ambiance qui était. Oui. Est-ce que tu t'imaginais une telle ampleur, en fait, une entreprise aussi grandissante que... Oui, un peu, En tout cas, ça me fait pas peur, ça me fait pas peur. Et puis, je pense que l'idée, c'est aussi qu'on soit enfin, notre équipe, c'est un peu, je dirais pas forcément une famille, mais c'est un peu quand même ça l'idée. Moi, j'aime bien aussi, plus on est, plus c'est sympa. Je pense que plus on est de fous à la Fouillotte, c'est un peu ça. Et le succès. C'est un super slogan, ça. Ouais, c'est sympa. Hein. Et du coup, pour moi, c'est ça. Parce que quand on dit succès, on pense souvent au succès économique, alors que c'est, pour moi, c'est pas la finalité. C'est ce qui va permettre de pouvoir générer, en fait, plus de bonheur autour de ça. Donc j'espère, en fait, j'en espère plus pour qu'il y ait plus de gens heureux, en fait, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qui explique, à ton avis, cet aspect grandissant de la Fouillotte? C'est un petit peu comme tu le dis, que tu sois entouré, que vous soyez tous ensemble comme une famille soudée. Ouais, je pense que ça joue. Je pense que on est, en tout cas, on est. Je pense que dans le milieu de la, des microbrasseries, alors il y en a peut-être qui, bon, il y a des exceptions à tout, mais on a la chance quand même d'avoir une mentalité qui est assez collégiale. Ça vient aussi du fait que voilà, il y a beaucoup de reconversions. On est quand même sur un métier passion quand même. On est proche de l'événement, etc. Donc oui, effectivement, ça donne un élan, des bonnes émotions aux gens. Je pense que puis la microbrasserie, on est aussi sur des produits artisanaux. On est sur de la production vraiment locale. Et ça aussi. Une petite aura qui est positive. On est quand même, les gens sont quand même globalement contents de cette nouvel élan, enfin de ce nouvel élan de production locale, etc. Ça donne aussi du dynamique au territoire, quoi. Oui, carrément. Oui, Dom. Mais la Fouillotte, c'est pas qu'une bière, hein. Il y a aussi tout ce qui va avec. Il y a le côté packaging, design, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve pas dans toutes les brasseries, et vraiment, je trouve ça vraiment cool. Donc, je sais pas, je te laisse expliquer, parce que je crois que tu es pour beaucoup là-dedans, mais c'est, ça ajoute un plus aussi à votre marque. Ouais. Tout ce qui est côté, même les subocs, la façon qu'ils sont faits. Mais j'ai eu des clients qui m'en ont parlé, qui étaient du côté de Toul, et ils avaient tout au bar, en fait. Parce que tout à l'heure, j'ai menti, en fait, on s'est connus il y a un bout de temps, mais c'était Boris que j'ai connu. Parce qu'on a créé une recette ensemble, mais ça, c'est autre chose. D'accord. Et donc, du coup, c'est ce jour-là, il y a des clients qui m'en ont parlé, et ils avaient en souvenir la bière, parce qu'en fait, voilà, c'était tout ce qu'il y avait aussi autour, en design, marketing, en fait, qui leur est resté. Et ils ont vraiment accroché, c'est vrai que c'est vraiment accrocheur. Oui. Et là, bon, la bière aussi. Visuellement, ça, mais il y a aussi ça que les gens ils trouvent ça cool et puis qui retiennent, je pense, et qui ajoutent aussi un plus à la marque. Oui. En fait. Enfin, je vais pas parler à ta place, c'est tout. Non, c'est vrai. Après, on a eu le temps de construire en fait notre projet. Moi, c'était dans ma thèse. Enfin voilà, on a eu le temps d'imaginer tout ça pendant qu'on brassait, en fait, parce que quand on brasse, on brasse et puis il faut attendre une semaine avant que la fermentation soit terminée. On va peut-être embrasser une autre. On a beaucoup de temps pour réfléchir au projet. Et puis effectivement, de toute façon, nous, on avait cette idée que la bière était... on n'est pas parti dire on va faire de la bière et puis c'est tout. Voilà, notre métier, c'est brasseur, on va faire de la bière, on va la mettre en bouteille et après c'est fini. Non, l'idée, c'est vraiment de créer... je pense à la base, c'est aussi créer une entreprise, créer du mouvement, un peu comme une association en fait. Finalement, quand on crée une association, on a bien sûr la passion qui va nous diriger si on veut faire de la radio ou du sport ou n'importe. Mais à la base, on veut la cuisine. On veut créer quelque chose, une dynamique. Et donc, je pense que c'est ça à la base. Et la bière, l'idée c'était une case en fait à cocher dans plein de choses. C'est-à-dire qu'il fallait une étiquette, autant la faire la plus belle possible. Il faut faire un peu de PLV, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va être à côté de la bière, des sous-bocs, des choses comme ça, et comment on peut faire autrement. Et effectivement, je finissais ma thèse à Nancy, mon père était prof à l'école d'archi de Nancy, et il avait à un moment, un soir, je mangeais chez lui, et il avait des boucles d'oreilles qu'il avait faites en bois découpées laser avec la découpe laser de la. Alors, je sais pas s'il avait le droit, j'ai pas le droit de le dire, peut-être. On n'a rien entendu. Il y a peut-être prescription. Ouais, exactement. Et du coup, là, émergé l'idée, justement, d'une PLV, des objets différents, découpés en bois. Et dès le début, en fait, on a acheté une machine pour faire de la bière et une machine pour découper génial. Du bois. Quoi. D'accord. Dès le début. Ah, dans vos locaux, c'est là, il ouais. y a quelque chose, il y a un laser pour c'est faire ça. C'est ça, maintenant il y en a deux, avec de plus en plus gros, etc. Et, et on s'ouvre aussi pour d'autres entreprises qui veulent des objets aussi découpés en bois, il n'y a aucun problème, c'est des super. Associations. Enfin voilà. C'est bon à savoir. Voilà. Je crois que la décoration, de toute façon, c'est vous qui avez fait toute la décoration au bar qui venait d'ouvrir. Exactement. Justement, avec aussi les machines. Exactement, on a utilisé la découpe laser pour faire tout ce qui était luminaire, et puis on l'utilise à chaque fois qu'on veut faire, je sais pas moi, une lampe avec une écriture. Enfin, c'est un outil. L'idée, c'est ça, c'est que on a l'idée de la découpe laser va aussi au-delà, c'est-à-dire que ça nous permet effectivement de faire des objets qui vont avoir un rayonnement par rapport à la brasserie, mais ça nous permet aussi de construire un petit atelier de prototypage, choses comme ça. Et puis ça fait toujours aussi, c'est voilà. C'est unique aussi ce que vous faites. C'est ouais. unique un peu. Quand c'est même. Ça, mais ça nous fait aussi une pièce où on peut c'est un peu, il y a un petit côté Fab Lab aussi dans notre entreprise du coup avec ça, et voilà, il n'y a pas que la bière, il y a aussi d'autres choses, et enfin vraiment l'idée c'est de se créer des outils où on peut s'amuser quoi, et donc voilà tout simplement quoi. Qui s'amuse avec le laser du coup chez vous? Et c'est Florian qui s'amuse avec le laser, c'est sa partie amusement, puis après il a aussi la partie compta pour le côté contrainte, mais il fait les deux, voilà, les donnant hein. Ah oui, l'utile et l'agréable quoi. C'est ça, donc on peut toujours s'amuser avec la compta, après c'est pas lui, j'ai pas l'impression qu'il s'amuse avec. Il faudrait qu'il vienne au micro pour en parler, mais ah bah ouais. Et un jour, il faudrait venir que vous soyez tous les cinq. C'est ça. Ce serait génial. On fait une émission de radio chez vous. Ah on peut faire ça. Exactement. On va faire ça. Ça serait super. On va faire ça. Super. Attention, deal. Ah ouais, non, mais avec grand plaisir. Allez, check. Avec grand plaisir. Allez. Bien, ça. Avec du public, il n'y a pas de problème. Ah mais carrément, attention, je suis chaud. Ah non, mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. On va se lancer dans mes deux prochains sons avec Will Hip Hop de Phonix Remix et un petit son de Saune avec Artifice. Et on se retrouve juste après. Merci en tout cas à tous les deux d'être là. Moi, ça me fait super chaud au cœur et j'espère que nos auditeurs sont contents aussi. Bah, merci à toi. Merci à vous. From the soul, y'all. The crew bringing the ruckus, no doubt. Yo, I'm not new to this, I'm true to this. The roughest dream team reign supreme like the cutlass. One more time, I've been doing this. Real hip hop. The crew bringing the ruckus, no doubt. Yo, I'm not new to this, I'm true to this. The roughest dream team reign supreme like the cutlass. One more time, I've been doing this. Real hip hop. Watch the throne, let the king get his crown taken, and I put the house on that like a foundation. I ain't about to sit around waiting, fam. I'm trying to get paid in full. Fuck a down payment. Circle tighter than Tiny Harris's facelift. Only know the cipher on the first round basis. I say shit, niggas get turned up. I finish my verse and leather rappers start giving they turns up. Students of the game, homie, you ain't learned much. My dissertation is over beats I burnt up. I forgot half of your knowledge and wealth, but you forgiven cause you niggas missing knowledge yourself. I don't need another notch in the belt, but need college to help. Either God got me or I got it myself. I got phonics on the 12-8-1, make the monitors melt. What else y'all want lying in the shelf? Who the hell else is better than rep? It's death flow. Y'all niggas, I ain't never respect. If your mouth writing separate checks, I put the hood on your head, nigga. My demands better get met. I never make featherweight terrorist threats. I'm like Leatherface wearing the flesh. There's no comparison to the next. I'm the type you don't really want famous. Known to keep a shitty disposition the same as John Amos. A lot of bitch niggas the same as John Stamos. Rich niggas is cross-dressing for entertainment. Need to cut that shit off LeBron James. It I never seen no tight jean, nigga, that's dangerous. The crew bringing the ruckus, no doubt. Yo, I'm not new to this, I'm true to this. The roughest dream team reign supreme like the cutlass. One more time, I've been doing this. Real hip-hop, hip-hop. The crew bringing the ruckus, no doubt. Yo, I'm not new to this, I'm true to this. The roughest dream team reign supreme like the cutlass. One more time, I've been doing this. Real hip-hop, hip-hop. Dig like Allen High. Type of guy that rock loud cologne, make you think of some kind of high. When a vehicle is flying by, knowing I'm surrounded by some individuals who are ride or die. This rap shit is really eye for eye. Fuck around and get bound in time, cause you're rhyming at pop for pop. We gon' see where that money at. Don't make me put the word out and find out where your wifey and your mummy at. Cause I'm from where niggas is hungry at. Went to school with and was cool with all the wild and bummy cats. The same niggas that you saying on your level, but got the full flip of your face and give me that best. Niggas tired of that money talk. I was told that my Uzi weighs a ton and we can see how fast that money walk. And your security run with a shot, so you're in the Cuban links and getting pawned right up on my block. See my crew about that hip hop. Fuck the fashion, fuck the flashing. That's for hoes, might as well keep your lips locked. Real niggas in my cypher. I'm here to talk that slick, funky shit, nigga. My mouth needs a diaper. I'm pure oxygen, I can bust with a lighter. Y'all niggas jeans tighter than leggings. We call a wife here. Showing your ankles, they got the nerve to say you a killer. But you'll take the hips and jeans, talking about you pay some Skrilla. Emasculated, the game needs some hair on your face. You keep that molly out your nasal. I'm here to replace you with that old faithful, amazing, graceful, lyrical composition. You niggas won't have a pot to piss, pot to piss. The crew bringing the ruckus, no doubt. Yo, I'm not new to this, I'm true to this. The roughest dream team reign supreme like the cutlass. One more time, I've been doing this. Real hip-hop, hip-hop. The crew bringing the ruckus, no doubt. Yo, I'm not new to this, I'm true to this. The roughest dream team reign supreme like the cutlass. One more time, I've been doing this. Real hip-hop, hip-hop, hip-hop. toujours sur Radio Gémozo. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Je suis avec Thibaut de la Fouillotte et Dom, notre chef préféré, enrhumé aujourd'hui, mais présent quand même. Et pour ça, merci beaucoup. Et puis, je remercie les auditeurs qui me disent que notre émission est très sympa et que nos invités sont charmants. Donc voilà, je passe le message. Ah bah c'est on gentil. Les embrasse. C'est bon, on reviendra alors. Ok, parfait. Du coup, je vais lancer le petit questionnaire parce que tu m'as chauffé là. Ouais. Tu viens avec moi. Donc voilà, c'est des petites questions pour en savoir plus sur toi. C'est le moment où tu te mets un peu à nu, mais où tu peux quand même garder tes habits. On te rassure tout de suite. Ok. Voilà. Je commence. Allez. Ta bière préférée et celle que tu boiras plus jamais. Ah, de celles que j'ai faites ou en général? En général. Bière préférée, je pense que c'est tellement, tellement changeant en fonction. J'ai pas de bière préférée. En ce moment, je suis quand même très IPA quand même. Là, on est en train de faire une Imperial Stout avec du cacao et j'ai hâte qu'elle soit prête parce que là, ça va être le moment où il fait froid. Ça va être une bière à 10 degrés et bien chargée en chocolat cacao. Je sens que ce sera ma bière préférée pendant un petit moment à ce moment. Des bières que je peux plus, il y en a beaucoup. En fait, principalement toutes les bières sucrées. Je pense que c'est un peu comme plein de choses. Quand on enlève le sucre, ben on n'y revient pas. Je pense au café. C'est presque tout ça, quand même. Ah ouais. Et je cite pas de marque, bien sûr, mais c'est voilà, en globalement sans marque, c'est vraiment de style, quoi, plutôt. Okay. Voilà. Donc c'est plus les bières rouges par exemple qui sont vachement sucrées ou aux fruits, tout ça, qui c'est ça que t'aimes pas trop. Ouais, il y a beaucoup de bières effectivement, les bières fruitées, les bières avec des fruits, effectivement ils rajoutent souvent du sucre pour casser l'acidité. Souvent les industriels vont masquer l'acidité avec du sucre, je pense que voilà, quand on commence à aller vers l'amertume et l'acidité, au début c'est peut-être pas forcément les premières saveurs qu'on aime, mais quand on y est, c'est quelque chose quand même à la fin qu'on apprécie et on a du mal à revenir sur de la douceur. D'accord. La première bière que tu as bu de ma vie? Oui. Ah. Ouf. Alors là, tes parents vont se rendre compte que t'as dit... Ah. Alors, la première bière que je me souvienne, parce que ça se trouve, la première, j'en ai trop bu pour m'en souvenir, mais... Non, mais ça va être quoi? Je pense que ça va être de la Goudal ou de la Jeanlin, voilà, genre de choses. Ok, on demandera pas l'âge, hein, parce peut-être que... même de la 33 Export, peut-être. Peut-être plus de la 33 Export. Faire de la bière, quand même. Ah oui, mais après... on est tous jeunes, hein, aussi. Hein. Si tu pouvais avoir accès à n'importe quel ingrédient, là, maintenant, tout de suite, lequel choisirais-tu d'intégrer dans une de tes recettes? Il y en a tellement. Il y a des produits qui prennent beaucoup de valeur. Je sais que la vanille, ça coûte cher. Il en faudrait beaucoup pour éviter les arômes, mais... Non, je pense qu'il y a plein d'ingrédients. Je sais pas, j'en ai tellement. C'est la créativité, le problème, c'est ça. C'est que tu m'en donnes un, ça me donne envie de faire une bière. Rien que par contrainte, si tu me dis fais une bière avec, je sais pas, du gingembre, j'ai essayé de faire un truc. Après, gingembre, c'est peut-être un peu simple, mais effectivement, j'avais une demande par exemple avec de la spiruline, qui est une algue. Bah ouais, carrément. Et donc voilà, ça, en fait, là, je suis souvent poussé par la contrainte. J'aime bien la contrainte. Je pense que si je devais dessiner, je serais plutôt designer qu'artiste, parce que ça donne, ça me donne. J'ai besoin d'appui peut-être pour créer. J'ai besoin d'une base. Et voilà. Donc je pourrais pas te dire si tu me donnes tout. Donne-moi plutôt quelque chose. Je te dirai si. Ce sera pour la prochaine fois. Je te donnerai un choix. C'est qui veut relever. Le défi. Exactement. Si tu avais pu produire une bière qui n'est pas la tienne, laquelle aurait été telle. Ah, donc là je donne une marque, un truc comme ça? Tu fais comme tu veux. il y a des bières belges quand même qui sont fortes dans le côté technique et il y a aussi l'histoire de certaines brasseries qui font rêver. Je pense que voilà, il y a des brasseries historiques. en Belgique, et puis même, même côté anglais, hein, y a des choses super. Après, ce qui est bien avec la bière, c'est qu'on peut, toujours essayer de la reproduire. Mais on va plutôt, c'est vrai, bah, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, avec il y a la bière et puis il y a l'image, ce qui rayonne autour de ta bière, et je pense aussi c'est ça aussi des fois qui est enviable. Il y a des brasseries qui ont une belle notoriété, et ça c'est chouette. Voilà. Donc je dirais Cantillon par exemple en Belgique, c'est assez réputé là-dessus, mais même on pourrait prendre Guinness qui fait des belles choses. Et c'est vrai qu'en France, je pourrais pas dire Cronenbourg, parce qu'on a perdu aussi beaucoup de brasseries après-guerre. Mais je dirais, ouais, Cantillon et beaucoup de trappistes. Voilà. L'image, on va dire l'histoire des trappistes est belle dans l'histoire de la bière. Ok. La situation la plus improbable au sein de ta brasserie, enfin de la brasserie La Fouillotte. La situation la plus improbable. Ouais, une anecdote croustillante, quoi, voilà. Il y a des fois, bon, c'est des journées. Par exemple, il y a trois jours, bah, j'en ai parlé samedi. Donc, on était dans la préparation de l'événement. Mercredi dernier, ils installaient le tirage. Donc, j'avais peur que les personnes qui installaient le tirage n'arrivent pas, déjà, premièrement, parce que du coup, l'événement était programmé le samedi soir. On a eu la chance de se faire cambrioler la veille. Donc voilà, on est dans une situation particulière, et il y a France Bleu Lorraine, ouais, qui m'appelle parce qu'effectivement j'avais un direct, et donc j'étais dans tout ce foutoir, et là j'ai dû m'isoler presque dans les toilettes pour faire mon interview en direct, et c'était très drôle. Il y avait en plus des musiciens qui venaient pour m'expliquer qu'ils aimeraient bien jouer un samedi. Enfin bref, c'était très particulier. Mais qu'est-ce qui est convoité? Non, mais c'est drôle, mais c'est le genre de choses qui. Des fois, on a des journées difficilement racontables, tellement il y a de choses différentes entre signer un papier quelconque et puis faire des. Voilà, mettre 100 kilos de framboises dans une bière. Des fois, enfin bref, c'est très. C'est ça qui est bon. Ouais, c'est exactement. C'est très, des fois très folklorique. Mais des fois, on aimerait bien que ce soit un peu plus stable, que le programme soit millimétré à des mois à l'avance. Mais est-ce que tu t'ennuierais pas? Ah, bah, je pense que si ça m'arrive pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais on espère toujours quelque chose de différent de nous-mêmes, je sais pas pourquoi. C'est les attentes de l'humain et son ego. Exactement, ouais. Un de tes ingrédients secrets. Un de mes ingrédients secrets. Ah. Peut-être le petit plus ou. Non, il y a. Il y a pas d'ingrédient. Enfin, en tout cas, on est transparent. On va pas cacher des choses. Hein. On est quand même D'ailleurs, je trouve ça super dans le milieu de la brasserie, de la microbrasserie. En tout cas, on est loin des secrets industriels. On est vraiment plutôt dans le partage, l'ouverture. Ce qui a généré finalement le monde des professionnels à l'heure actuelle, c'était vraiment le partage des amateurs. Donc on est toujours là-dedans, mais je dirais qu'il faut pas négliger l'eau. Il faut pouvoir, voilà, il faut modifier son eau, c'est intéressant. Donc ça, c'est des ingrédients qu'on pense pas forcément. Et après, c'est souvent comment les utiliser. Je pense le secret, c'est la partie technique qui est là. Comment mettre en valeur les bons ingrédients, les mettre au bon moment. Ça, c'est là où il y a un peu de secret, on va dire, d'entreprise. D'accord. Ta bière la plus atypique? Ma bière la plus atypique, celle qui a fait, on va dire, celle qui. On en parle encore actuellement, c'est une bière que j'avais faite, une blonde au piment d'Espelette. J'avais fait piment d'Espelette et je trouvais qu'il manquait quelque chose, et je voulais faire le lien entre le piment et la bière, et j'ai rajouté de la purée de poivron rouge. Donc c'était une blonde, ouais, voilà, poivron rouge, piment d'Espelette. Ça permettait d'avoir au nez directement, on va dire, un côté le pekios, le petit poivron mariné. Et après on avait le piment qui arrivait en fin de bouche. On avait vraiment quelque chose de très fluide. On n'avait pas la bière plus un côté pimenté. On avait vraiment c'était assez harmonieux. Je trouvais ça rigolo. Et alors bien sûr le côté piquant déplaît à certaines personnes, mais en tout cas elle a pas laissé indifférent certaines personnes, et c'est ça qui est cool. Super. La bière que tu conseillerais pour soulager une rupture sentimentale? Ah. Si on t'a déjà posé cette question. Alors, je dirais une bière sans alcool pour éviter de partir dans d'autres travers. Vous en faites de la bière sans alcool? Non, on fait pas de bière sans alcool. On a fait une bière très légère à 2,5 d'alcool. Donc bon, voilà, il faut être motivé si on veut être sous avec. C'est de la limonade en fait. Mais après, effectivement, je partirais. Vaut mieux à la fin, vaut mieux avoir un bon soda que ou d'autres boissons. Je pense qu'il faut pas non plus. Bon, les industriels arrivent à en faire maintenant par des procédés qui coûtent très cher. Et je pense que c'est les mieux placés pour faire de la bonne bière sans alcool. Mais ça, c'est tout dépend de leur matière première de départ. Mais non, nous, on va pas s'intéresser à ça. Je pense que la bière, l'alcool fait partie de la bière. Après, si on veut boire quelque chose sans alcool, il y a d'autres choses. Voilà, tout à fait. Voilà, le professionnel. Mais alors, pour répondre à ta question, je pense que la bière au chocolat qui va sortir bientôt, je pense que ça peut être pas mal. Il y a un mais petit carrément. Côté, hein, je pense qu'il y a... Carrément. Il est malin quand même. Il n'est pas encore sorti. Ah. Quelque chose, c'est non, c'est ça. Donc vous avez encore un mois et vous pouvez après être en rupture dans un mois. Voilà. Allez, à ton avis, quel est le plus lourd entre un litre de bière ou un litre de mousse? Non, je rigole. Ok. Merci. Quand même. Quelle bière tu pourrais conseiller pour faire à manger? Il y a plein de bières chez vous et j'ai mon idée, mais j'aimerais bien que tu... Alors, faire à manger, c'est-à-dire vraiment tu veux la cuire? Pour cuisiner, pas pour boire, pas pour accompagner un plat, mais pour... Pas pour accompagner, mais pour cuisiner. Soit faire une sauce, soit après on peut faire de la marinade par exemple. Mmh. Je sais pas, vu qu'il y a plein de gammes de bières chez vous, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors, on va dire dans le côté classique, la Time Travel, qui est une blonde assez, on va dire assez maltée, ça va très bien si on veut faire une choucroute, genre de choses comme ça. Après, effectivement, je sais qu'il y en a beaucoup qui recherchent des brunes pour faire des sauces. Par exemple, les stouts. Donc là, on a la Black Mobus qui est un stout, c'est sympa. J'avais quelqu'un, je crois, qui avait testé. On avait fait une bière fumée, donc avec du malt qui avait été fumé. Donc la bière, on avait vraiment ce côté fumé, même limite un peu tourbé, même si c'était pas du malt qui avait été séché à la tourbe, mais on avait limite ce côté-là. Je pense que ça peut être intéressant. Après, moi je travaille très peu mes bières en cuisine. J'aime plutôt le côté parce que moi c'est la bière que je fais pour moi, entre guillemets, je recherche que ce soit un produit fini en tant que soi. Et c'est vrai que je vais plutôt chercher l'accord mes bières. Par exemple, je repense à cette bière. Au piment d'Espelette, qui était pour moi une des bières. Souvent l'accord mes bières, il est beaucoup moins évident que le vin, surtout en France. Le vin, souvent, on boit un verre de vin et on a envie de manger. Ou alors, on réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait boire avec ce plat. Et cette bière au piment d'Espelette, c'était la première que quand je l'ai bu, et même des clients, hein, qui, dès qu'ils la buvaient, ils avaient envie de manger. Il voyait un plat en tête. Et c'est pour moi une des seules bières où c'était aussi fort. Dès qu'on la buvait, moi j'avais acheté, je m'en souviens, je l'avais testé en 20 litres, j'avais ramené un litre à la maison et on avait acheté des sushis et ça allait parfaitement. Du riz blanc avec quelque chose de piquant. Enfin, c'était vraiment super. Il y a plein de clients qui sont venus me voir en me disant, ah, j'ai fait ça là. J'avais fait du poisson, c'était excellent. J'avais fait une viande grillée, c'était super. Et donc je vais plutôt travailler sur l'accord mes bières, mais en cuisine, je pense qu'il faut être, il faut pas oser. Je pense que les IPA, même pour faire une sauce amère, je pense un peu sucrée salée avec de l'amertume, je pense que ça peut aller. Je pense que tout est permis. Super. Ouais. Après, en fait, je pose la question aussi parce que on retrouve des goûts qui sont des fois un peu gênants quand on cuisine des bières. Mmh. Et je crois qu'on m'a dit que vous aviez fait des bières justement qui évitaient de retrouver une amertume ou quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en bouche, qui est un peu désagréable pour faire des sauces notamment. Ouais. Donc c'était pour ça aussi que je te posais la question, parce que je crois qu'on peut pas travailler. Je dis ça parce que j'ai essayé quand même de travailler quand même plusieurs de vos bières. Ouais. Et on n'a pas forcément le même résultat et c'est pas toujours très concluant. Ouais. Parce que ça laisse des goûts qui sont un peu désagréables des fois. Pas forcément qu'avec les vôtres. Hein. Non, mais je peux comprendre. Et du coup, comme il y a une grosse gamme, je me suis dit peut-être qu'on peut orienter les gens sur une ou deux produits. Bah, oui, c'est ça. Plus facile à travailler. Alors, déjà. Ouais, c'est technique, je suis désolé. Non, c'est intéressant. Non, mais effectivement, je pense qu'un des gros. Caractéristiques de la bière qui va être évitée quand. Parce que quand on va la cuire, on va concentrer, souvent, on va réduire, on va donc enlever l'alcool, mais aussi enlever de l'eau. Donc, on va concentrer les goûts et les arômes. On va aussi les transformer, mais un des goûts qui va perdurer, c'est l'amertume, effectivement, et qu'on va concentrer. Et. L'amertume vient du houblon, donc il faut éviter les bières houblonnées. Et d'autant plus que le parfum et l'arôme du houblon que nous on recherche dans les bières houblonnées, c'est des arômes qui sont extrêmement sensibles. Nous on fait très attention à la conservation des bières, à l'oxygène en fait, qui vont complètement dénaturer en fait toutes les IPA du monde entier. Toutes les IPA, le plus gros problème, c'est l'oxygène, la lumière et la chaleur. Enfin voilà, les trois. Et donc du coup, cuire ces bières, on va déjà perdre les arômes de la bière si on veut les avoir, et on va concentrer l'amertume. Donc là, il faudra soit la compenser, soit voilà. Après, voilà, en tant que cuisinier, après on peut se dire, voilà, l'amertume peut être aussi une saveur qu'on recherche, mais c'est rarement le cas quand même. Hein, je veux dire, la plupart du temps. Donc, il faut éviter tout ce qui va être IPA. Donc, par exemple, chez nous, des bières qui peuvent aller, on va avoir, voilà, la Time Travel qui est moins houblonnée, qui va être très bien pour une blonde. On va avoir l'automne si on veut chercher plutôt une rousse pour avoir un côté un peu plus biscuit. Et puis on va avoir la Black Mobus qui va être torréfiée si on veut vraiment chercher quelque chose de plus puissant. Moi, je sais qu'il y a un copain qui fait des gibiers. Souvent, il met des bières brunes dedans. C'est peut-être plus facile parce que c'est déjà fort. Ouais, c'est ça, d'aller chercher. Et puis, souvent, par exemple, dans sa sauce gibier, il rajoute par exemple des fois quelques morceaux de chocolat. Ouais, donc, du coup, la Black Mobus qui a ce côté déjà un peu café, un peu torréfié, en fait, ça va être intéressant. Moi, j'ai aussi des clients restaurateurs qui ont fait avec la Black Mobus de la glace. D'accord. Et je pense aussi la bière, on peut très bien en faire de la glace. Et par exemple, les IPA, par exemple, les IPA où on va avoir quelque chose qui craint la chaleur, qui craint, etc. Et où justement on a des arômes de fruits exotiques, de la passion, des agrumes. Et ben, les faire en glace, et ben, ça va pas les dénaturer. L'amertume va être masquée par le sucre qu'on rajoute dans notre préparation, etc. Et on va avoir en fait ce côté IPA. Donc, voilà. Donc tout dépend de comment on travaille. Mais les IPA, je pense qu'on pourrait travailler tout ce qui, voilà, en gelée, en glace, pas cuit. Et par contre, après, si on veut faire des sauces, il faut éviter les bières amères, tout simplement. Ok. Alors moi, j'ai plein de questions, Alia. Donc, parce que j'ai une autre question. Combien de houblons, en gros, vous utilisez différents? Vous utilisez avec vos gammes de. Alors, c'est tout un. C'est aussi un problème logistique. Hein. J'aimerais bien en avoir plein, tester plein. Après, on peut pas non plus acheter des trop petites quantités de houblon. Enfin, en tout cas, d'une variété. L'idée, c'est par exemple quand on décide de faire une recette de bière qu'on va reproduire tout le temps, il faut qu'on s'assure d'une certaine quantité de houblon qu'on va avoir parce que c'est des récoltes. Hein, donc, c'est constant aussi. Voilà, c'est ça. Et puis en général, on fait une à deux livraisons par an. Donc, il faut pas non plus. Se tromper sur la quantité. Donc, on essaie de réduire un peu les variétés de houblon pour ce côté logistique. Mais en gros, on doit avoir à peu près une dizaine de variétés de houblon. Il y a deux catégories. Hein. Il y a vraiment la partie amérisante où on va vraiment chercher plutôt l'amertume. On va pas aller vers le côté aromatique de la plante et on va vraiment prendre des houblons aromatiques qui sont bien sûr plus chers. Parce que c'est vraiment, ils sont là pour amener vraiment leurs caractéristiques uniques. Et là, c'est là où on a plus de variétés. En général, on a une à deux variétés amérisantes. Plus on en met, plus c'est amer. Moins on en met, moins c'est amer. Qui est assez neutre et qui ne va pas trop changer le goût de la bière. Et puis après, derrière, on va avoir un panel de houblons aromatiques qu'on va mettre en fin d'ébullition lors de la préparation de la bière, ou voire même directement aux cuves, qu'on appelle le houblonnage accru, le dry hopping. Et là, on va vraiment ressortir le pouvoir du houblon aromatique, voilà, mais sans aller chercher l'amertume. Donc là, c'est là où on va avoir voilà, une dizaine, et des fois, on essaye d'acheter par exemple 5 à 10 kilos d'une variété, on va faire une bière avec, pour voir ce que ça donne, ça etc. Match, et puis ça match. Voilà, on a fait. Ouais, alors souvent c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que des fois, par exemple, on avait fait les deux dernières double IP. On avait fait ça, on avait testé l'IDAO 7, qui était donc qui va sûrement changer de nom, mais qui était un des derniers. Et là, on avait testé le Sabro. Et voilà, là par exemple, le Sabro, ça donnait des notes vanille, coco. Qui est très différente de, par exemple, de la Mario, qui est une autre variété, qui va donner vraiment l'orange. On va vraiment avoir, on va tirer vers sur le jus d'orange, le pamplemousse. Et du coup, après, ça nous donne, voilà, en le testant sur une blonde, ça va nous donner vraiment, en plus, en le mettant en bonne quantité, ça va nous donner vraiment ce que le houblon va pouvoir donner comme parfum. Et après, on va pouvoir l'incorporer sur vraiment une autre création. Par exemple, là, le côté Sabro, le Sabro qui donne un côté vanille coco. Ça nous donne une idée sur la prochaine. Peut-être qu'on va faire un stout, donc une bière foncée avec de l'orge torréfiée qui va tirer vers le café, chocolat. Et ben ça va peut-être très bien aller avec ce houblon qui va donner coco, quoi, vanille, donc qui va bien se marier avec le côté torréfié. Et même si c'était très bon en blonde, hein, il nous en reste d'ailleurs quelques bouteilles encore. J'en ai bu il y a pas longtemps, elle est toujours aussi bonne. Mais voilà, ça nous donne une idée. Et là, du coup, on va pouvoir faire un mariage avec d'autres choses. D'accord. Voilà. Et je vais te dire pourquoi je t'amène là-dessus. Dis-moi. C'est parce que j'aimerais bien peut-être essayer de se pencher sur une recette. J'ai goûté les houblons en pelée. Ouais. Nature comme ça pour voir un peu comment c'était comme goût. Et j'aimerais bien essayer de développer une recette avec la fouillotte, mais avec une sorte de votre houblon pour faire un risotto. Ouais. Et après, je sais pas, on verra bien, on en reparlera. Mais j'essaie de me pencher un peu sur la question. Et si ça peut être sympa, après, je propose aussi, parce que j'en ai pas parlé. Après, on verra bien si ça vous intéresse ou si vous avez un houblon qui est un peu différent et puis qu'on peut s'amuser un peu avec. Qu'on fasse pas forcément un partenariat, mais qu'on puisse établir une recette comme ça sur un risotto, en fait. Ok. Parce que c'est le seul que je fais vraiment en végétarien. Et je voulais essayer de donner une touche avec votre bière, enfin pas vraiment votre bière, mais avec votre produit. Contrairement à toujours remettre de la bière, faire réduire et tout ça, et j'aurais bien voulu faire ça. Donc c'est pour ça que je t'ai amené sur ce sujet. Voilà. Ah, mais carrément. Après, nous, on peut te conseiller. Vis-à-vis du rendu qu'on va avoir sur une bière, par exemple, on va avoir des houblons déjà qui vont être moins amers. Par exemple, nous on connaît tout ça, enfin on connaît les caractéristiques des houblons, donc voilà. Et puis après, on peut donner une indication sur effectivement qu'est-ce que ça va amener comme note. C'est plutôt herbacé, plutôt floral, plutôt exotique. Après, il faudra faire la part des choses, parce que souvent effectivement les houblons qui vont avoir certaines notes, je pense surtout aux fruits exotiques, ils vont amener aussi de l'amertume. Donc du coup, il faudra trouver le bon compromis. Ouais, c'est ça. Et puis j'essaie d'un peu de rechercher déjà. Par exemple, si je te dis ça, par exemple, je pense au Cascade qui est pas trop amer et qui est assez aromatique. Là, comme ça, je te dis ça. Tu ouais. En tout cas, c'est possible, quoi. Non, c'est ouais, carrément. Après, c'est un défi. Tout à l'heure, tu as dit, tu mets bien l'idée. Ah ouais, pas dans la bière. Ouais, non, mais carrément. Mais je pense qu'on peut trouver quelque chose. Est-ce que j'ai le droit à une autre question ou pas ? Bien sûr. Oui. Alors, ma question, c'est par rapport à vos productions de bière, parce que j'ai vu que vous faites. Plein de bières, donc framboises, tout ça. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur, pas forcément tout le procédé, mais ce que vous utilisez pour pouvoir avoir le goût ouais. de la bière. Et puis il y a quelque chose que je trouve étrange, que j'ai jamais vraiment eu la réponse. C'est votre bière qui est fumée. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus aussi là-dessus, parce que c'est étonnant. Et on trouve pas ça partout. Et c'est vrai, quand j'y suis allé, qu'on m'a dit que vous aviez ça, j'étais un peu surpris, parce que je savais pas qu'on peut fumer beaucoup de choses. Mais là, du coup, c'est vrai que j'étais un peu étonné. Donc c'est pour ça que j'aurais bien voulu que tu m'expliques un petit peu. Les autos, ouais. Un petit peu tout ça. Ouais. Donc. C'est vrai, bon, c'est un peu vraiment comme un. Je pense que moi j'ai fait de la chimie et souvent on me dit t'es chimiste, c'est normal que tu sois brasseur. Mais en même temps, je trouve que en étant aussi amateur de cuisine, et je pense que on est proche quand même aussi de la cuisine, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement, on va avoir une vision, on va se dire tiens, j'aimerais bien aller sur quelque chose de gourmand, quelque chose de etc. avec une saveur. Et effectivement, comment on va la travailler et comment on va arriver à nos fins. Et c'est vrai que ça dépend de l'ingrédient et ça dépend effectivement de comment on va le, quand on va l'utiliser. Si par exemple la framboise, nous on prend de la framboise congelée, ça nous permet aussi parce que la framboise se conserve très bien congelée, elle perd pas trop de ses saveurs et ça nous permet aussi logistiquement d'avoir en fait de la framboise toute l'année, de pouvoir produire cette bière par exemple quand on veut. Ça, c'est important ce que tu viens de dire, ça veut dire que toutes les bières fruitées, ce ne sont pas des arômes. Non, c'est jamais des arômes. Nous, on travaille. Non, on travaille pur fruit. Enfin, il y a jamais d'arômes. Nous, on rajoute jamais de sucre. C'est du pur malt tout le temps. Il y a certaines bières, par exemple la bière fumée. J'ai rajouté des maltodextrines qui sont des sucres non fermentables issus de maïs, qui vont me permettre en fait de garder une rondeur de la bière. Parce que j'avais peur que, et c'était le cas, hein, mais que le fumé, les maltes fumées, on en va en parler, comment j'amène le fumé, me donne trop d'acidité, c'est pas ce que je recherchais dans cette bière. Donc du coup, pour compenser l'acidité, je voulais vraiment quelque chose de très, on va dire, d'avoir du sucre résiduel. Donc t'as pas un pouvoir sucrant, mais on a une rondeur en fait naturelle qui est agréable. Et donc effectivement, je travaille qu'avec des fruits, on travaille aussi avec des jus. Des 100% jus qui viennent de Rambervillers, on passe par Énergie qui est un pressoir local avec des fruits locaux. Donc par exemple là on va sortir une ambrée au cassis qui a été faite avec un jus de cassis fait à Rambert, enfin à côté à Anglemont. Donc voilà, donc ouais, on travaille soit avec des fruits congelés, soit avec des jus locaux. Et bon, après pour des choses exotiques, ça va être un peu plus compliqué. Mais par exemple, là, la bière, je parlais de la bière au chocolat, enfin cacao chocolat. On a travaillé avec Chocolat by Fred, qui est à Golbey, qui est un des seuls chocolatiers des Vosges qui torréfie son cacao, une partie de son cacao. Et donc là, il a torréfié du cacao. On a gardé vraiment l'entièreté de la cosse, parce qu'en fait, la fève perd en fait sa pellicule lors de la torréfaction. Et nous, on l'a utilisé pendant le brassage. Donc, on a eu déjà des saveurs de cacao et de tanin. Et après, la masse de chocolat, enfin la masse de cacao qu'il a faite avec ses fèves, et ben on les a mis dans l'empattage. Donc, à la fin de l'ébullition, donc en fait, on a vraiment l'entièreté de la fève dans la bière. Donc là, on a quelque chose de très puissant. Et peut-être sortir. Voilà. Donc voilà. Et donc par exemple, par rapport aux fruits, ben par exemple, il y a des fruits qui se cuisent pas, il y a des fruits qui se cuisent, il y en a qui par exemple, j'avais fait des bières acides avec donc là c'est aussi un autre type de bière, des bières qui sont où il y a deux fermentations, une première lactique qui permet de descendre à 4 de pH, 3,5 de pH 4. Donc on a quelque chose de très acide, après on va refaire une fermentation alcoolique. Et la première que j'ai faite, je voulais la faire au Brimbel. Donc c'était des brimbelles sauvages, donc je l'ai faite au moment où on les récolte, donc elle arrive après au moment des fraîches, parce que le temps de faire la bière, bah voilà, forcément. Et je voulais, par exemple, je voulais pas avoir le goût de la brimbelle crue, je voulais plutôt aller chercher le côté tarte. Donc du coup là les fruits, je les ai mis à l'ébullition et je les ai cuits en fait avant de rentrer dans le fermenteur pour avoir ce côté tarte aux brimbelles, parce que pour moi la brimbelle elle est meilleure cuite que crue. Donc c'est ça que je recherchais. Pour la framboise, c'est l'inverse. La framboise, on la met pas à la cuisson, on la met dans le fermenteur quand on est à 20 degrés. Donc là, on va chercher le fruit frais et le goût du fruit frais. Donc voilà. Donc c'est, et après, bon, il y a les problèmes, c'est que nous, on est sur de la fermentation et les levures, des fois, cassent les molécules aromatiques. Elles sont sensibles, les levures. Faut faire attention. C'est ça. Puis elles ont la particularité, des fois, de dégrader les molécules aromatiques. Donc, oui. Par exemple, la framboise, c'est super. C'est un arôme qui est très puissant, qui est très stable et qui va rester dans la bière. Par exemple, je pense que j'ai pas fait, mais j'avais fait une à la Mirabelle. La Mirabelle, c'est beaucoup plus léger, finalement. Mm-hmm. La Mirabelle, ça, c'est beaucoup plus léger. Et finalement, ça va donner, voilà, on va plutôt tirer vers le noyau, par exemple. Mais on va pas avoir le côté chair. La cerise aussi, on peut vite partir sur le côté noyau. Donc c'est quand on travaille pas avec des arômes, on travaille avec les fruits. Ben il faut faire avec ce que la vie fait finalement dans, dans le fermenteur. Mais c'est vrai que des fois, si par exemple je travaille avec la fraise, j'en suis quasi sûr que les levures vont dégrader la fraise. On va avoir plutôt à la fin vers partir sur une fraise cuite ou j'en sais rien. Et, bon, voilà, c'est peut-être moins intéressant. Mmh, ouais. On peut pas tout travailler non plus. Je dirais que c'est un métier. C'est un métier, ouais. c'est un métier qui a d'autres contraintes. C'est vrai que moi, c'est vrai que les cuisiniers ont la chance déjà de pouvoir tester rapidement plein de choses. Par exemple, si tu as envie de faire une crème à je sais pas quoi, tu peux faire facilement 10 essais dans la matinée. Ouais. Moi, il faudra que j'attende des mois et des mois avant de savoir si ce que j'ai fait, ça marche. Et puis aussi, ben, on est sur quelque chose de. On est dans l'eau. Principalement, donc en fait l'extraction des arômes, on peut pas non plus. Bah, par exemple, on parle là de la vanille. Par exemple, la vanille, c'est plutôt soluble dans les corps gras. Il y a beaucoup d'arômes qui sont solubles dans les corps gras et pas trop dans l'eau, donc on va pas pouvoir aussi tout utiliser. Ouais, c'est moins simple. Donc c'est effectivement moins simple. Ça nous évite. Enfin voilà, on peut pas faire beaucoup de choses. Enfin, on peut faire des choses. Et donc voilà. Et donc pour revenir sur la partie fumée, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est tout simplement en fait quand le malt est le malt, c'est une graine germée. On peut avoir le malt d'orge, du malt de blé, de seigle. En fait, elle est germée, donc elle est hydratée, elle est germée. Une fois que le germe est sorti, on va la sécher. Et donc ça, c'est des procédés qui sont brevetés. Et chaque malterie a les siens. Et puis, voilà. Et donc si c'est reséché très doucement, on va avoir des maltes blonds. Si c'est reséché un peu plus fort, donc ça s'appelle tourailler. Ça va être plutôt des maltes qui vont être légèrement grillées pour les embrer. Et puis on va vraiment les torréfier. On a vraiment les choses de très carbonées qui vont donner voilà le côté pain grillé, chocolat, café. Et aussi on peut les sécher avec de la fumée. Donc de la fumée de hêtre comme une bande de lard. Voilà. Okay. Et donc là, on va avoir ce côté fumé. Hein, quand tu ouvres le sac de malt fumé, ça sent la saucisse, quoi. T'es là. Non, mais c'est très agréable. Une bière à la saucisse, c'est génial. Mais voilà, ça va donner, comme je disais, ça va donner de l'acidité. Ça va lors du procédé. Donc du coup, il faut anticiper tout ça. Il faut tout équilibrer. Et aussi, on va avoir les malts qui ont été tourraillés à la fumée de tourbe. Donc là, on va voilà. Donc c'est très utilisé par exemple pour faire des whiskies. Mmh. Hein, quand on fait les whiskies tourbés, eh ben on fait une. Parce que le whisky, c'est finalement de la bière distillée, donc une bière qui n'a pas été houblonnée parce que ça ne sert à rien. Et du coup, ben voilà, ces whiskies tourbés ont été faits avec une bière qui a été faite avec des malts qui ont été séchés à la tourbe. Donc voilà, on peut très bien faire une. Alors les bières tourbées, j'en ai goûté quelques-unes. Après, le problème de la tourbe, c'est qu'au niveau de la bière, gustativement, on va avoir vraiment des notes très fermières. Les bières qui sont faites avec du malt tourbé, on va se rapprocher du cheval. Enfin, on aura quelque chose là, ouais, très très fermier. Le fumé, on va plutôt se rapprocher de la saucisse un peu de ce côté-là. Donc, ce qui est plus agréable, on va dire, pour une bière. Mais il faut que ce soit relativement bien dosé. Après, voilà, tout est une question d'équilibre. Soit on veut faire une bière qui n'a pas de concession et quand on l'ouvre, ça va sentir le fumé et celui qui va la boire va roter le fumé pendant 2 heures. Soit on veut quelque chose de plus subtil, de plus abordable. Enfin, voilà. Après, tout dépend de qu'est-ce qu'on veut faire partager, quel sentiment on veut donner à la personne qui va goûter la bière. D'accord. Alors, on y arrive, on n'y arrive pas, mais l'idée, c'est ça. C'est quel compromis on veut faire ou comment on veut harmoniser les choses. D'accord. Et est-ce qu'on a le droit de dire où c'est qu'on peut trouver ce genre de produit? Parce que je pense que ça doit étonner pas mal de gens. Bon, moi, j'étais étonné quand j'ai entendu ça. Est-ce que t'as le droit de dire si vous qu'on peut trouver cette bière ou peut-être pour qui elle est destinée? Parce que tu parles des bières fumées en particulier ou parce que je crois que vous en avez qu'une, non? On en a on a fait une noire fumée effectivement, donc un dérivé de la Black Mobus qui est un stout, donc style Guinness, et on avait effectivement fait cette bière, imaginé cette recette pour les mines du Tio qui faisaient en fait leurs 400 ans d'utilisation de la poudre noire. Donc l'idée c'était ils voulaient une bière noire tout simplement, et puis moi je suis allé un peu plus loin en disant ce qui pourrait être drôle comme il y a le côté poudre noire, c'est de donner un côté fumé à la bière pour rappeler en fait le côté explosif. Alors, on n'allait pas la souffrer, hein, la bière, mais on va dire voilà, lui donner un côté fumé pour donner voilà un accord avec le concept. Et puis, c'était très intéressant de faire cette bière avec eux. Et mais nous aussi, on la commercialise, donc on peut aussi la trouver. On peut la trouver bien sûr aux mines lors de la visite dans leur boutique. Je crois qu'il y a quelques boutiques aux alentours du Thiot qui ont la bière. Et puis nous, bien sûr, dans notre boutique, on la vend. Et j'avais fait après. Alors, c'était avec eux un compromis. On voulait que ce soit pas non plus très fumé. On voulait rester quelque chose de consensuel pour que ça plaise à un peu plus grand monde. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Et moi, de mon côté, j'ai voulu faire une bière un peu plus marquée en fumée qui s'appelait Smoky Teddy. Et voilà, c'était une ambrée très voilà ronde avec un voilà bien fumé. Et donc là, j'avais aussi j'avais voilà, je m'étais un peu plus lâché là-dessus. Parce que c'était. Et on peut. Donc, celle-ci, on peut quand même la retrouver encore. Alors, je crois que non, c'était non. Une éphémère. Je crois que les dernières bouteilles sont parties. Je crois qu'il reste quelques fûts. Donc, il faudra rester vigilant. Peut-être que dans le bar de la brasserie, là, on va pouvoir passer des choses que certains cafetiers n'osent pas passer. Mmh. Mais nous, on va y aller allègrement. Donc, on va pouvoir reproposer, effectivement. Il doit rester 3 fûts de cette bière fumée. Donc un soir, peut-être qu'il y en aura à la brasserie à Épinal. Incroyable, ce sujet est sans fin. On pourrait y laisser. Tiens, Alia, parce que moi, plus il parle, plus j'ai des questions. Donc je pense qu'il va revenir. Hein. On va refaire une émission. Non, mais de toute façon, Game Ozo sera bientôt à la fouillette. Ah, bon, alors, voilà. Attention, on a dit Léa. Parce que j'ai pas d'autres questions encore, mais je vais te laisser. Bah oui, je pense qu'on va passer à un prochain son et puis on va se diriger tranquillement quand même vers la fin de cette émission pour libérer notre invité d'aujourd'hui, hein, qui a sûrement des choses à faire. Mais moi, j'avais quand même une question là. Tu sais combien de bière vous avez brassée? Exactement celle que je voulais poser. Ah, on est connecté, Dom. Allez, à la louche. Je dirais 40. 40? Ouais, 40, entre 40 et 50, je pourrais plus te dire, mais c'est vrai que... J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ouais. Ouais, vous avez fait beaucoup plus de recettes. Moi aussi. Alors, peut-être que je me trompe, hein, parce que j'ai pas du tout l'info. Il faudrait que je sois sur l'ordinateur de la brasserie pour te dire exactement ce qu'on a fait, mais... Parce que ne serait-ce celle que vous avez déjà dans le... Non, c'est vrai qu'on en a 20. Non, je dis peut-être des dans bêtises. Dans je sais qu'il y a des bières qui n'existent plus. Celle que j'avais travaillée, c'est la single. Single-up. Non, on ne fait plus les single-up. On va peut-être les refaire un moment. Pour refaire hommage et puis pour refaire une belle série. Ouais, je sais pas. Mais oui, il y en a plein, je sais. C'est non, je te dirais 60. Après, peut-être que je me trompe. Alors, c'est dur de compter parce que pour moi, c'est. Enfin, je sais pas. Fidèle à 7, t'en as plein. Non, c'est ça. Et puis, mais ouais, je dirais. Allez, 60. Allez, 60. Il est modeste. Ouais. Tu les goûtes toutes? Vous les goûtez toutes? Ah bah heureusement quand même. Alors, pendant la fermentation, maturation, enfin il y a toujours un suivi hein, du procédé pour voir si tout se passe bien. Mais est-ce que tout le monde la goûte? Non, parce que des fois on n'a pas le temps de. Non, on n'a pas, on va dire de réunion cérémonieuse sur le fait. bon, tout ça, machin. On devrait peut-être, mais bon, on manque toujours de temps. Hein, je pense oui, que c'est sûr. C'est souvent on se fait happer par d'autres choses. Mais en tout cas, ceux qui brassent, là par contre, oui, c'est leur métier en oui. fait. Moi, j'ai quitté un peu, finalement, je brassais, hein, c'est moi qui initiais le brassage. Et bah, là, ces derniers temps, j'étais à la fabrication du bar, donc j'ai arrêté oui. de brasser, ça fait une petite année. Mais ça ne manque pas trop? L'aspect technique, non. Après, je suis toujours quand même dans le comité de création. D'accord. Donc, il y a un comité de création. Ou... Ouais, voilà. Bah, dès qu'on veut faire une nouvelle bière, soit ça vient, on va dire, de l'aspect commercial. Tiens, on a des demandes sur tel oui. type de bière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, on approche des fêtes. Est-ce que vous voulez pas faire une bière qui a une connotée Noël ou j'en sais rien? Ou alors prendre au contraire à contre-pied de faire quelque chose qui voilà, faire une bière de Noël mais qui n'a pas les clichés d'une bière de Noël. C'est génial ça. Voilà, on peut faire des choses aussi comme ça. Donc ce soit ou des fois ça vient d'une envie en disant bah tiens on va faire j'aimerais bien faire ça Ouais. Voilà, ok. Pour bon. Feeling. Allez, pourquoi pas. Il reste bien, une cuve. Vous êtes assez libre, donc c'est bien. Ouais, l'idée, c'est d'être assez libre. Après, voilà, il faut pas non plus. Il faut qu'elle arrive au bon moment aussi. On va pas faire voilà, une bière légère, faible en alcool. L'hiver, c'est peut-être moins demandé que l'été, par exemple. Mais donc, voilà, après, il faut rester cohérent vis-à-vis aussi d'un point de vue économique. On n'a pas le choix non plus d'avoir ce type de contraintes. Je veux dire, c'est respectable. Et donc voilà, mais ça nous laisse quand même énormément de liberté. Mais des fois, et voilà, on est impatient, quoi. Si on a envie de, on imagine une super bière pour l'été et qu'on est en automne, bon bah il faut patienter avant de la faire. C'est super dur quand même, hein, parce qu'on sait qu'on a un super produit, on est super content, et en fait, il faut attendre 3 mois. Ouais. C'est ça, pour pouvoir la produire. Ah, mais bon voilà, après il y a plein d'autres choses à faire en attendant, donc. Non, il y a pas la cuve tous les jours. À mon avis, ça, t'as envie de la goûter quand même, mais bon, elle est pas prête, donc. Non, puis aussi, non, mais des fois c'est compliqué, c'est que il faut faire la bière de Noël. On est en août. Oui. Parce que le temps de la faire, des fois il faut la faire plusieurs fois, parce que bon, il faut en faire un certain volume, il faut commander les étiquettes. Donc c'est vrai que des fois, c'est ça qui est des fois plus difficile, c'est d'anticiper finalement la demande sur des choses, surtout quand on n'a pas, on va dire, un calendrier préétabli où on sait que la brasserie La Fouillotte, le 17 mars, ils vont sortir leur bière de printemps, leur machin, etc. Nous, on n'est pas comme ça et on le sait. C'est ce qui est bien aussi. On le sera sûrement jamais. Après, c'est vrai que, mais des fois, effectivement, les deux associés qui sont sur la partie commerciale aimeraient avoir quelque chose de plus simple. Après, mais bon. Mais ça veut dire que, par exemple, la nouveauté de février, elle est déjà lancée, ça veut dire. Je sais pas si j'y février, mais peut-être non, pas, bah, février serait peut-être pour mars. Non, ou après, on n'a pas de deadline là en tête. Là, on n'a pas de deadline. On va sortir effectivement deux bières. On va avoir une ambrée avec une ambrée au cassis, et puis cette stout au chocolat qui sera voilà 9-10 degrés d'alcool. Donc voilà, ça va être les deux nouveautés pour l'hiver. Et puis voilà, on verra après. Vous sortez beaucoup de nouveautés par an ? Ouais, c'est ce que j'étais en train de compter, mais je crois qu'on est à peu près à une par mois, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je dis à peu près 10 par an, ça fait 5 ans qu'on est. C'est pour ça qu'il nous a pas tout dit, c'est une par mois, ça veut dire que celle de janvier, elle est déjà en cuve. Ouais. Non, mais là, il va en sortir deux. C'est pas une par mois. On n'est pas des horloges suisses, ça c'est clair. Non, mais par exemple, il y a un moment, on va en sortir trois en même temps. Donc, parce que bon, voilà, par exemple, janvier, février, c'est pas non plus une période très faste sur la vente de bière. On a voilà novembre, décembre, c'est assez riche. Il y a beaucoup de la novembre, il y a beaucoup de professionnels qui travaillent fort. Enfin, pour nous, en tout cas, qui remplissent leur magasin pour décembre. Décembre, tout le monde travaille. Voilà, c'est ça. Peut-être travailler aussi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, janvier, ça va être un peu la période calme. Donc là, c'est plutôt le moment de se reposer, plutôt de réfléchir. Et puis après, on arrive vite sur la période de printemps. Puis on a aussi des choses à anticiper au niveau, on va dire, des bières de routine, quoi, parce que printemps, été, bon, on va déjà nous demander de la blanche, des classiques, entre guillemets, exactement. Ça, il faut déjà assurer ça. Et en fait, quand on assure ça, il nous reste ou pas des cuves pour faire des nouveautés. Ouais, on est plutôt là-dessus, quoi. D'accord. Bon, j'ai essayé d'avoir quand même, mais j'ai pas réussi à savoir ce qu'on allait avoir à la fin d'hiver. Ah, l'exclusivité gardée. Fin d'hiver, non, mais après, j'ai plein d'idées. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Il y en a d'autres qui ont des idées, on verra. Un calendrier de l'Avent, La Fouillotte, ce sera possible un jour, ça ? Alors, du coup, ça voudrait dire qu'il en faudrait 24 différentes si on veut avoir un peu de surprise. Tu peux en mettre deux pareilles. C'est vrai qu'on pourrait en mettre deux pareilles. Avec toutes les recettes que vous avez, je pense que les 24 elles sont largement trouvées, je pense. Faudra mais on pourrait les faire. Après, je trouve que le calendrier de l'Avent, il a d'intérêt plutôt pour la partie des cavistes qui vont sélectionner différentes bières de différentes brasseries. Je pense que c'est plus intéressant pour le consommateur final qui va pouvoir découvrir différentes choses, etc. D'avoir des bières d'une seule brasserie, moi en tant que client de bière, c'est pas vers ça que je me tournerais. Maintenant c'est vrai qu'il y a certains collègues, on imaginait un calendrier de l'Avent rien que des bières vosgènes, par exemple. Il y en a qui est sorti. Ouais. Ouais, il y en a qui. Divers, je sais qu'il y avait Marie-Thérèse qui voulait lancer ça au début. Après, je sais pas où ça en est. Après, Je sais plus exactement combien ils sont. Si je dis pas de bêtises, c'est la brasserie des Buissons qui ont sorti quelque chose avec d'autres brasseurs. Alors, okay. Je sais plus combien il y a de brasseries. Les Buissons, c'est Mathias, ouais. Fils à Nadine. Ouais. Il va y avoir peut-être 4 sous dedans. Je sais pas si... je pense. Ouais. Je sais plus exactement combien il y a d'impresseurs, mais je sais qu'ils ont sorti quelque chose là, en mode un peu calendrier de l'avant. Et comme tu dis, bah, c'est pas qu'une brasserie en fait. Il y a 4, je crois, brasseurs qui sont ensemble. Comme ça, oh, une 100% la fouillade, je suis sûr qu'un jour ça pourra se tenter. Hein. Non, mais ça... après, il faudra avoir gardé toutes ces recettes quelque part pour pouvoir produire ça. Ouais, je suis sûr qu'ils ont tout qui est archivé. Oui, possible. Mais je veux dire, embouteillé. Non, mais ouais, tout. On a la chance. Florian qui fait la découpe laser, etc. Il nous a fait aussi un module informatique. C'était son premier job, on va dire, à la brasserie avec la partie compta et la partie découpe. C'était aussi de nous faire un outil informatique. Et donc, du coup, on a tout de façon numérique depuis le tout début. Donc non, il n'y a aucun problème. C'est pour fêter les 10 ans, tu fais une rétrospective de toutes tes bières depuis le début. C'est vrai, bon, ça, en plus, à 10 ans, ça me laisse encore un peu de temps. C'est bien. T'es gentil. On t'embête, hein. Allez, on se lance dans mon dernier son, là, avant de libérer notre. T'es sûr, je peux pas poser une dernière question quand même. Moi, je suis libre, hein, si vous voulez. Ouais. Attends, en fait, il y a des fois où on finit un peu avant. Donc aujourd'hui, on peut finir un peu plus tard. Ah, surtout qu'en plus, on va même pas manger. Mais quoi. Oui, ouais, c'est ce qu'il a. C'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que quand je fais pas à manger, bah, je pose beaucoup de questions. Du coup, on est un peu plus en retard. Non, j'ai une question par rapport à ça, justement. Lia, elle disait pour l'anniversaire. Est-ce que tu envisages de refaire un festival, le festival La Fouillotte ou dans l'idée, bien sûr que oui. Je veux dire, La Fouillotte, en fait, c'est pour revenir finalement au début de la conversation. Ouais, je te laisse expliquer parce que c'est un peu l'idée en fait. Je vais t'expliquer. Et comme ça, ça la boucle sera bouclée. Mais ouais, comme je disais, la bière, c'était là, on est effectivement revenu plus sur la partie technique et la création. Et puis voilà, enfin, il faut se dire aussi, c'est que c'est amusant en fait de faire de la bière. Et c'est ce que je disais depuis. Au début, c'était vraiment l'idée, c'est qu'on a plusieurs postes dans la brasserie qui sont rigolos, quoi. La fabrication de la bière, bien sûr qu'il y a des contraintes, hein. Il faut les produire, il faut mettre en bouteille, il faut gérer la partie livraison, etc. Enfin, on pourrait parler aussi des contraintes, mais on va dire la partie qui nous anime, c'est la partie création, que ce soit aussi pour les parties découpe laser, etc., comme on a discuté tout à l'heure. Mais il y a aussi la partie événement, et la partie événement, c'est l'idée de base, en fait, de la création de la brasserie. La brasserie est née de cette idée d'événement, de vivre, en fait, des concerts. Mon père, ici, derrière moi, derrière la vitre, il y a un CD du groupe à mon père, sûrement, qui doit être encore là, qui est les Canettes Vides, à moins que vous les jetez. Non, je pense Si vous jetez rien, il y a forcément un CD de groupe de mon père et on a toujours eu. Voilà, moi j'ai toujours fait, j'ai toujours été dans des bars des Vosges avec des concerts et la brasserie La Fouillotte est née aussi suite à des festoches à la ferme de La Fouillotte. Effectivement, tu parlais. Ouais, c'est pour ça, mais c'est bien, moi, t'as la delay. Parce que les gens sont pas forcément. Moi, je suis au courant, c'est pour ça que j'essaie de t'amener sur. Mais du coup, la Fouillotte, ça a été, comme je disais, hein, ça a toujours été un lieu un peu paumé dans les Hauts-de-Vosges qui permettait de se retrouver pour faire la fête. Et on a toujours fait. Moi, j'ai toujours connu ce lieu-là comme quelque chose de festif. Et donc, voilà. Donc, ça a commencé effectivement par un petit festival. Au début l'anniversaire d'un copain et puis après avec sa sœur qui est mon amie d'enfance on a vraiment fait des événements tous les ans et ça m'a permis de proposer sur les deux dernières je crois voire que la dernière je sais plus mais la prémisse de la bière de La Fouillotte quoi. Ça m'a permis de faire des essais en fait de oui, ça m'a permis tester un petit exactement. Peu de produit avant de vraiment le commercialiser pour c'est ça. C'est ça, puis ça m'a permis, puis c'était, pour moi c'était ça, c'est-à-dire que là par exemple samedi, où il y a eu un concert à la brasserie, c'est pas le premier, mais en tout cas, là dans ce bâtiment, dans ce lieu à l'intérieur, refait, c'était le premier, il y en a eu bien d'autres avant, et ben le but il est là en fait, le but il est là, et la bière que je propose, ben c'était... Finalement, l'idée, c'était ça, c'est-à-dire que de faire un événement, il faut de la bière pour l'événement. Bah, je vais faire la bière pour l'événement, et puis Mais voilà, c'est plutôt l'événement qui a créé la bière plutôt que l'inverse. Okay. Donc voilà, donc c'est effectivement, il y a la découpe laser, mais il y a aussi la partie événement, la partie lieu de vie en fait, qui est complètement inscrit dans la brasserie, qui est long à mettre en place parce que il fallait déjà faire la partie production. Donc on a mis 5 ans voilà, pour trouver nos locaux, etc. Il nous reste encore énormément d'investissements à faire pour pouvoir avoir le matos qu'il nous faut sur la partie production. Mais là, j'ai enfin un lieu qui est tout neuf en plus, voilà. Qui est tout beau et qu'on rappelle, qui est ouvert il y a un mois. C'est ça, ouais, c'est ça. La partie magasin est ouverte depuis un mois et il y a le tirage de bière depuis 3 jours, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est intéressant, mais c'est bien, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de voir un petit festival, la Fouillotte, peut-être pour les 10 ans ou avant si vous avez le temps. Exactement. On parle des projets après mon prochain son. Ouais. Ça marche. Allez, à tout de suite. Toujours ensemble sur Radio Guémozo. Et oui, on est toujours là avec vous dans le studio avec Thibaut et Dom. Voilà, je pense qu'on va te faire revenir. Hein. On ira sur place à la Fouillotte pour parler encore. Il y a tellement de choses à dire. En fait, c'est hyper vaste, c'est hyper intéressant. Et vraiment, merci beaucoup à toi d'être venu ici nous répondre à toutes ces questions. Alors, moi, je le sais, vous n'exploitez encore pas toute la totalité des locaux que vous avez rachetés. Hein. C'est vraiment un truc vraiment énorme. Il y a des espaces différents propres à chaque besoin de la brasserie. Hein. On a un petit peu compris tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai eu la grande chance que tu acceptes de me montrer tout ça samedi, malgré l'événement qu'il y avait sur place. Moi, ce que j'ai adoré, c'est, tu sais, la grande vitre qui donne vue sur les cuves, etc. pendant que tu es en train d'être au bar ou dans l'événement. J'ai trouvé ça vraiment génial. Est-ce que en tant que public, en tant que particulier, on peut venir? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes pour un petit peu voir comment ça fonctionne, tout ça? Alors là, il faut qu'on trouve le temps, en fait, aussi humain, oui, de pouvoir faire des visites, etc. Alors c'est toujours possible. Hein. Il faut appeler la brasserie. Par contre, on va plutôt aller chercher vers le groupe, parce que du coup, si vraiment on veut avoir une visite un peu quali, etc. Il faut qu'on se libère du temps. Et dans ces cas-là, vaut mieux le programmer. Vaut mieux que ce soit en groupe. Donc, mais sinon, par contre, après, le lieu où il y a eu l'événement samedi, c'est vraiment le lieu d'accueil au public, où il y a en semaine, à l'heure actuelle, le magasin qui est ouvert. Ouais. Donc on va remodifier les horaires. Pour l'instant, on n'est toujours pas encore ouvert le soir. Il faut vraiment qu'on se constitue aussi une équipe humaine pour pouvoir servir les gens le soir. Mais pour l'instant, on est toujours ouvert la journée de 10h à 18h. Et on peut voir en tout cas la partie brassage par la fenêtre. Et si la personne qui est derrière le comptoir a du temps à ce moment-là, elle peut aussi très bien expliquer ce qui se passe derrière de l'autre côté de la fenêtre. Mais par contre, pour vraiment passer de l'autre côté de la vitre, vaut mieux nous contacter et préparer vraiment plutôt un groupe qui va permettre de nous libérer. Enfin, voilà. On peut retrouver quelques photos sur le site internet www.lafouillotte.fr. Hein, y a rien de plus simple. Voilà, on voit vos grosses cuves, etc. C'est bien, bien sympa, je trouve. J'ai cru lire un projet d'éco-quartier. Est-ce que c'est une idée encore en cours? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Alors, l'éco-quartier, c'est vraiment le quartier où on est dedans. En fait, c'est un projet qui est là, pas de notre sort, mais D'accord. C'est une des raisons pourquoi on s'est installé dans cette friche industrielle. Parce que donc, on parlait de Bragard tout à l'heure, donc c'est vraiment une ancienne usine Bragard, mais avant d'être Bragard, c'était une filature, donc c'est vraiment... alors je sais pas si c'était Boussac, mais c'était une grosse filature qui date de 1860, et qui, comme toutes les filatures dans les Vosges, ont périclité. Et donc la mairie est en train de redynamiser en fait le quartier. D'accord. Et d'ailleurs ils ont été très très très contents quand on a voulu s'y installer, parce que ça leur, comme c'était une entreprise, enfin le site est toujours tenu par la famille Bragard, donc la mairie n'a pas la main mise en fait sur la vente des bâtiments et à qui va être les futurs propriétaires. Donc il y a une partie de l'usine qui avait été démolie et il y a un éco-quartier qui est en train de se construire à l'heure actuelle, qui est des logements. Et il y a une restructuration en fait des tours de la Moselle, qui est vraiment attenant à l'usine, où ils vont faire un parc qui sera vraiment attenant à une partie du bâtiment qu'on a acheté. Et donc là aussi, on a encore 800 mètres carrés d'un futur projet qui, pour l'instant, n'est pas entièrement dessiné. Je pense qu'on est encore dans la réflexion, dans l'attente aussi de nouveaux partenaires, de nouveaux êtres humains qui ont d'autres volontés. On a pour l'instant rien n'est figé, mais on a 800 mètres carrés qui donneront sur un parc, un nouveau parc d'Épinal. Et on a envie d'instaurer une dynamique. Et je pense que le maire aussi est toujours, enfin le maire, d'ailleurs je vais le rencontrer dans pas longtemps pour justement parler en fait de la quelle identité on va donner au quartier. Et on a envie de créer un quartier dynamique qui est... C'est ce qui vous a séduit à la base? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai su qu'il y avait un projet d'urbanisme sur le quartier. Et je pense qu'une friche industrielle, ça donne beaucoup d'idées. Ça donne envie de faire tout en gardant en fait un patrimoine et de pas... d'avoir quand même une partie déstructurée du patrimoine. Oui. C'est-à-dire qu'on va pas non plus remettre des vieilles machines de filature et faire un musée. L'idée, c'est de réhabiliter les lieux d'une autre façon, de lui donner une autre couleur, une autre vie. Il y a cette idée un peu de quartier berlinois, de genre un peu street art, un peu tout ça. Génial. On va voir ce que ça va donner. Je pense que on n'a pas toutes les billes dans nos poches. L'idée, c'est voilà, ça va être quelque chose d'assez collégial. Et puis voilà, on a la mairie. Il y a une partie aussi encore d'autres entreprises qui sont sur le site. Il y a la partie logement. Dans la partie logement, il y a aussi une colocation de l'ENSTIB, donc l'école d'ingénieurs du bois sur Épinal. Ça tombe plutôt bien. Voilà, donc on va avoir une dynamique. Et, donc là, voilà, nous, on est vraiment acteurs complets de cette dynamique et la mairie attend beaucoup. Nous, on attend peu de la mairie parce que c'est voilà, la mairie vis-à-vis d'une entreprise, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on serait une association, on irait plus les solliciter. Là, en tant qu'entreprise, on peut comprendre qu'ils peuvent pas non plus prendre forcément parti pour une entreprise ou une autre. Parce oui, que, oui. Exactement. Même si on est apprécié, je pense vraiment, je tiens à le dire. Aider tout le monde, sinon ils aident personne. Voilà, la mairie d'Épinal, en tout cas, ne nous mettent pas des bâtons dans les roues et sont là à nous soutenir. Mais voilà, ils sont aussi le droit de réserve par rapport à une entreprise, c'est normal. Super. Les grands projets, est-ce qu'il y a vraiment de gros projets là derrière pour la Fouillotte, en plus de ce que tu viens de nous dire? Bon, déjà, monter une brasserie, c'était déjà... C'est gentil. Mais il a plein d'idées. Moi, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Déjà, c'était pendant le Covid. Là, avec mes collègues, on a refait une partie du bâtiment. C'était là, je suis content. Samedi, c'était un peu une naissance. Même si la naissance était progressive sur le mois d'octobre, mais de ce nouveau lieu, il y a encore plein de choses à faire dans ce lieu pour qu'il soit autonome d'un point de vue collectif à l'intérieur de la brasserie. Mais c'est déjà pas mal. On a toujours un projet quand même de rééquipement de notre installation de production. D'accord. Et puis aussi de rénovation du bâtiment, parce qu'on a acheté quand même 2500 m² de l'ancienne usine. Donc voilà. Après, il y a plein d'idées. Après, on a des toits superbes pour faire du photovoltaïque. Peut-être que du coup, c'est un projet qui va se mettre en place. Comme je disais, il y a encore 800 m² qui attendent en fait finalement de naître un projet. Mm-hmm. Et on verra ce que ça va donner. Ça dépendra des rencontres futures. Ça dépendra de plein de choses. Voilà, la feuille finale est encore blanche, mais il y a plein de brouillons. Voilà, après, il faut voir ce qu'on va construire. Tu es content de cet espace modulable que tu as vraiment tenu à faire au sein de ce bar, là? Parce que c'est quand même toi qui a fait la plupart de... Ouais, c'est ça. C'est bon. Voilà, j'étais un peu sur les projets. Bon, il y a un moment, il faut aussi chacun, il faut se compartimenter un peu pour voilà. J'ai mis en place une nouvelle personne sur la partie brassage, notre premier salarié, ce qui m'a permis de me dégager du temps pour pouvoir prendre effectivement le projet du bar en tant que chef de projet au sein de la brasserie. L'idée c'était ça. C'est-à-dire que moi c'est vraiment un lieu particulier, surtout qu'on n'avait pas non plus l'idée c'est que ce soit aussi un bar, mais en même temps c'est le magasin d'usine, c'est aussi l'accueil pour tout le monde pour la brasserie, donc c'est un lieu on va dire bâtard, donc c'était difficile à concevoir. Comment, il y a beaucoup de compromis entre la taille, par exemple rien que le comptoir il doit faire magasin en même temps bar, donc il y a des compromis à faire sur la surface allouée à chaque activité. Et puis sur la scène, effectivement, sur la place, là comme on l'a vu samedi, on n'avait aucun meuble pour laisser place que des gens debout. Si on veut faire un concert jazz plus cosy, chill, ouais. Plus chill, et ben là on va mettre plus de tables, de bancs, une scène peut-être plus courte. Enfin, l'idée. Voilà, par exemple, les samedis, quand on accueille les food trucks, on est plutôt sur une partie un peu restauration, avec toujours la partie magasin. Là, on va arriver sur les périodes de fête. Donc, Marie, comme tu disais, Dom, qui travaille maintenant au magasin, qui tenait le rustique à rue, là, elle est en train de voir, donc pour qu'on se fasse un petit, on va dire, marché de Noël, entre guillemets, dans ce lieu. Essayer de l'habiller différemment. Par exemple, on est en train d'exposer un jeune artiste à Jolet, Antoine Hézier, voilà, donc qui très grand talent, voilà, qui expose sur les murs. L'idée, c'est de mixer énormément de choses, de faire vivre. On est un lieu un peu atypique dans notre, on a vu sur les cuves, comme on en parlait tout à l'heure. enfin voilà, c'est, on sait, personne ne sait ce que ça va donner, mais en tout cas on fait tout pour que ça donne quelque chose de super. Ben, on en est convaincu et je pense qu'on ne, on va se revoir très souvent. Avec plaisir. Voilà. Du coup, Dom, toi tu es parfois sur place pour faire à manger à la Fouillotte. Vous êtes plusieurs. Je te laisse. Oui, bah, entre autres avec deux copains. Ouais. Je te laisse expliquer. C'est quand qu'on retrouve des food trucks là-bas. Oui, alors du coup, effectivement, quand on a commencé d'ouvrir le magasin la journée, on a voulu déjà faire vivre la partie journée. Ouais. Et nous, on n'est pas du tout dans le monde de la restauration. Oui. Parce qu'on ne pouvait pas non plus encore cumuler cette chose-là, en tout cas tout de suite et dans cet endroit. Donc du coup, on a vraiment voulu chercher des food trucks qui avaient aussi une mentalité, une philosophie qui était relativement proche de la nôtre, avec l'utilisation des produits locaux, d'avoir vraiment des gens qui sont impliqués dans le territoire. Oui. Et ce qui nous a finalement laissé peu de choix, parce que finalement on a du mal à trouver encore des gens qui sont actifs là-dedans dans le domaine de la restauration mobile. Et on a effectivement trouvé donc Dom, Green Burger et Ocam du Terroir qui voilà, qui ont un peu la même philosophie vis-à-vis de ce que voilà, les gens qui veulent proposer un peu des produits locaux. Et donc on a mis ça en place. Après c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de choses en commun, parce que finalement voilà, on a déjà un peu la même philosophie, je pense, de travail. C'est quoi, c'est les samedis qu'on les retrouve? Alors oui, pour l'instant c'est les mercredis midi et samedi midi. Ok, ça tourne du coup. Voilà, le mercredi midi c'est toujours au Cam du Terroir et le samedi c'est alterné entre Dom ici présent et Green Burger. Génial. Eh ben dis donc, on n'aura jamais fait une émission si longue. Je pense que tu vas boire des litres de bière en rentrant à la Fouillotte, c'est ça Thibaut? Faut te désaltérer. Prochain thème, comment être brasseur et pas alcoolique. Ce sera abordé dans notre prochaine émission. Est-ce qu'on a un dernier mot à dire, Dom, Thibaut? Allez, c'est le moment. Déjà, merci. Hein, merci. Moi, c'est très agréable de venir ici. Voilà, c'est les radios locales. C'est vraiment important. Puis, comme je disais, c'est pour moi, c'est quelque chose qui m'a bercé quand j'étais à la ferme de la Fouillotte pendant ces 6 mois de gestation, de projet. Et donc, voilà, vraiment c'est cool. Super. Et vraiment. Ce serait super de faire une émission dans notre nouveau bar. C'est déjà signé. Ah bah super. Je signe mon CDI aujourd'hui. D'ailleurs, tu m'as porté chance. Donc voilà, je peux maintenant, en tant que chef de projet de Radio Gamozo. Félicitations. Merci beaucoup. Super. excellent. Voilà, que de beaux projets aujourd'hui. Dom, t'as un petit mot pour nous? Non, je pense que c'est bon. Moi, ça me fait plaisir parce que Radio Gamozo, ça vient du même endroit oui. que la Fouillotte. Donc, je trouve ça marrant. C'est un peu, c'est comme si c'était une petite réunion de oui, de famille, de rue. De, voilà. Donc, c'est marrant. J'aime bien ça. Et faut pas oublier que on vient avec quatre. En fait, les samedis matins, on va là-bas avec Adrien, donc de Green Burger, oui. mais pas tous les samedis parce qu'on alterne oui. avec. Avec Budget Malin qui est à Saint-Étienne et Miremont. D'accord. Donc quand il est à Épinal, moi je suis à Saint-Étienne D'accord. et vice versa. Eh ben. Donc c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'en fait on n'y est pas tout le temps oui. et qu'il y a qu'un jour où on y va. Donc voilà, donc toutes les deux semaines. Moi c'est pour l'activité un petit peu actuelle. Sinon tous les deux semaines maintenant le rustique. Donc ce soir. Oui. Moi j'y serai. D'accord. Samedi prochain, je serai à Saint-Étienne. Okay. Voilà, donc ça c'est pour les infos. Et puis comme d'habitude, hein, voilà, notre but c'est le produit. Et puis ça fait plaisir d'être là. Et puis soigne-toi bien. Puis merci beaucoup de m'avoir présenté Thibaut et de l'avoir fait venir aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'une fois tous les 15 jours, eh bien c'est Dom qui fait la programmation de mon émission. Donc voilà, c'est grâce à lui. Peut-être que dans deux semaines, si Adrien est dispo, parce que lui il est vraiment surbooké, donc de Green Burger j'aimerais bien qu'il vienne parce qu'il me vend du rêve à chaque fois, donc j'aimerais bien qu'il vienne parler un petit peu de ses techniques, parce que c'est un food truck pas classique. Ok, on en reparle. Voilà. Cette émission sera podcastée eh bien, de demain sur nos réseaux, sur notre page Facebook, notre profil Radio Gamozo. Elle sera également rediffusée ce jeudi à midi. Voilà, pour ceux qui auraient manqué une partie, la totalité, ou qui auraient envie de replonger dans les cuves de la Fouillotte, c'est possible jeudi à midi. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis merci à nos auditeurs de nous avoir envoyé des petits mots, d'avoir été à l'écoute si gentiment. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'est un plaisir. Merci, bonne semaine à tous. Prenez soin de vous et puis prenez soin des autres, hein. C'est comme toujours, et on vous laisse avec la suite des programmes sur Radio Gémozo à l'Ekis.